les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio? C'est une excellente question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais changer aujourd'hui, puis j'ai hésité. Je changerai demain. Le fait de dire bonsoir d'une autre manière. Ah oui, d'accord. Toujours c'est important. Oui, bah oui, voilà, j'aurais pu dire bonsoir les enculés, puis je me suis dit, ouais, ah, c'est bien ça. Pas forcément judicieux. Oui, enfin, ça peut me concerner à certains moments. Hein. Votre ceinture, alors. Ah bon. Non, elle aime ça, elle n'ose pas le dire, mais elle aime ça. Non, elle est passif. Écoute, on en apprendra ce soir, c'est pas mal. En plus, c'est bien parce qu'on va parler. Je suis tombé sur l'étude belge. Ça va forcément être drôle. Oui, en l'occurrence, oui. Bon, forcément non, mais là, en l'occurrence, ça va être drôle. J'ai d'ailleurs déjà mis un post sur le groupe Facebook sur mikl.fm dans la communauté. La passion des curés pour les mineurs. Bon. C'est drôle ça. Ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ouais, oui, ça, oui. C'est international, hein, c'est pas que belge. On est vraiment étonné. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, donc, je suis tombé sur l'étude belge sur les fantasmes des meufs et les résultats sont assez particuliers. Alors quand j'ai mis sur le groupe Facebook là qu'on allait parler des fantasmes des meufs, les mecs vont dire ah oui mais on l'a déjà parlé, bah. Oui mais non. Mais pas comme ça. Voilà, c'est-à-dire que là, putain, le résultat, ça m'a pas choqué, mais j'ai été surpris. Ça a été un vrai sondage qui a été fait. Ça a été un vrai sondage qui a été fait. Donc, à votre avis, quel est le fantasme numéro un des filles? Avec deux mecs. Et si j'en parle au début, c'est en Belgique. Plus important que les cadeaux que de dire bonjour à tout le monde. Avec une pomme de terre. Non, mais non. Avec une frite de patate. Non. On se met le cornet de frites à l'envers. Allez, le troisième. Pas le premier, le troisième. On fera un jeu pour le premier. Le troisième. Ah putain, c'est dommage, j'avais le premier en tête. Ouais, mon cul, ouais. Non, mais moi, je réitère avec deux mecs. Non. Dans le troisième. C'est pas le premier, c'est pas le troisième en tout cas. C'est compliqué. Dans la nature. Non. Troisième fantasme. Pompier. Non plus. Dans l'ascenseur. Non. Enfin un mec non. En uniforme quoi, qui représente un métier. Non, pas du tout. Le troisième fantasme le plus souvent cité chez les filles. Jouer dans un film porno. Ah ouais. Ah ouais, parce que les meufs après, oui, elles disent oui, mais non, mais les pornos c'est dégueulasse. Mais par contre, si moi j'étais dedans à me faire démonter, j'aimerais bien. Il y a de plus en plus de sex tape. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et puis il y a de plus en plus d'abonnés à Canal+. Et au samedi soir. Voilà, et le samedi soir en l'occurrence. C'est surtout que maintenant, tu sais, tu peux prendre les packs passion où tu as plein de chaînes et des chaînes de cul, donc du coup, ça passe plus facilement. Le pack passion. Ouais. Le pack démontage de cul, ouais. Non, mais il n'y a pas que ça. Alors, ce qui est bien dans le pack. Il n'y a pas que ça, mais les gens savent pourquoi ils le prennent. Non, dans le pack passion, t'as XXL, je crois, t'as une autre chaîne de cul. Dorcel, non? Dorcel et Private Space ou Space Private. Genre, il y a une chaîne de ciné romantique. Et une chaîne. Non, une chaîne style Season, c'est un truc, de reportage. Chasse et pêche, tu sais. Non, mais quel intérêt? Bon, encore chasse et pêche, c'est la pêche à l'arrêt, en fait. Voilà. Oh, c'est pour noyer le poisson, c'est pour que le mec il dise, ben oui, mais je regarde ça pour les reportages, chérie. Ouais, c'est je m'en fous des autres chaînes. C'est pas quoi c'est le reportage. N'empêche, franchement, au niveau de la gueule, s'il y a un meuf qui me tombe dessus, je préfère dire, écoute, je préfère regarder un film de cul que de regarder un truc sur la pêche. Ah non, mais je t'assure, la loutre est très intéressante. Surtout si après elle te pose des questions, bah tiens, on va pêcher. Puisque t'as l'air d'être fan de ça, écoute, moi j'aime pas trop, mais tu vas me montrer, ça se trouve, je vais aimer. Bon, et deuxième fantasme le plus souvent dit chez les filles, se faire gâter par un gigolo. Ah ouais. Comme quoi. Comme quoi. Et le premier, donc, si vous avez une idée. Attends, se faire gâter, c'est-à-dire. On va se faire défoncer, quoi. Ah d'accord. Bah oui, enfin, défoncer, je sais pas, mais. Si, c'est ça, c'est les cadeaux plus se faire défoncer. Ah, c'est à la l'ensemble, fin. C'est le côté gentleman qui baisse bien, quoi. C'est ça, hein. Bah oui. Se faire entretenir, quoi. Oui, le côté gentleman, bien sûr. Mais payé. Non, j'ai dit qu'il baisse bien. Ah, qui baise bien, pardon. Bon, gentleman baiser. Donc, ça, c'est le deuxième. Et donc, le premier, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Si vous avez une idée, venez sur le groupe Facebook, mikl.fm. C'est horrible. Non, ça va encore. Non, c'est pas. Non, ça va encore, ça va encore. Donc voilà, 612, dites-nous, débuté par Énergie, on vous file, qu'est-ce qu'il y a à filer ce soir? Des Xbox 360 Elite, il y a des places pour l'Energy Session de Gossip à Paris, Planète 51, des places de films, enfin de ciné plutôt, des DVD ou des Blu-ray avec le film Fame dedans, des jeux vidéo, Guitar Hero, Street Fighter 4, et des places de foot pour Bordeaux, Saint-Etienne et Lyon-Lens. Si vous avez une idée, donc quel est le fantasme le plus souvent cité chez les filles? Qu'est-ce qu'elles préfèrent faire le plus? Et il y a des filles qui vont plus loin encore dans les fantasmes chelous. Il y a, alors ça c'est glauque, hein. Ah oui, c'est le viol. Oh putain, se faire violer, quoi. Ouais, mais ça a une signification, j'ai regardé sur internet. Ça veut dire quoi? Pas de chance, théoriquement. Non, ça, en gros, ils disent que c'est parce que c'est refouler de avoir honte de d'avoir envie. Avoir honte d'avoir envie. Ouais, d'avoir. Enfin, tu vois, quand tu n'assumes pas trop ta sexualité, en fait. Qu'elles sont un peu contraintes, quoi. C'est un peu comme quand tu te masturbes et que t'en as honte. Donc tu veux te faire violer. Ils disent la logique pas... des femmes. Ah, non, mais c'est peut-être aussi, tu sais, simplement aimer la soumission, entre guillemets. Ouais, quoi. C'est ça. Ouais. Mais, par contre, si vous passez, si vous passez le cap, c'est-à-dire que si vous mettez en scène le scénario, prévenez les gens autour de vous. Je sais pas si vous avez vu, c'est dans Californication, en fait, la meuf, elle réalise son fantasme. Arrête. Le dernier, là La troisième saison. Ouais. Ah, ferme ta gueule, j'ai pas vu encore. Ah, bah, et personne gênant. N'a vu, personne n'a vu. De toute façon, on a compris ce que tu voulais dire, mais le fantasme du. On dit le viol. J'ai pas compris, moi. C'est parfait, c'est parfait. En gros, ça arrive dans une rue et puis il y a des gens, quoi. Voilà, et en fait, donc le mec il se fait taper. Ah, d'accord. Okay. Alors que la meuf elle avait envie parce qu'ils avaient, tu vois, ils avaient organisé leur truc, quoi. Et donc, effectivement, prévenez. En France, ça arriverait pas. Non. Ah, tout le monde t'en fout. Oh. Tu vois quelqu'un, non, je vais prendre une tarte dans la gueule, moi je dis pas. Mais. Qu'est-ce qu'il y a, Caro? Je sais pas, depuis 3 minutes, elle fait des bouts de phrases de. Mais. Ah, bah, attends, c'est parce que sur mon micro, quand il est allumé, il y a un truc roux. Si je fais comme. Et ben. Bah, tu peux y aller, là. Ah, d'accord, ouais. Ah, mais tu l'éteins jamais, hein. Non, je voulais dire qu'il précise bien qu'on emploie le terme viol, mais aucune femme ne souhaiterait se faire violer en vrai, quoi. Non, mais oui, c'est toujours. Non, mais faut mais toujours préciser, quoi. Non, oui, c'est toujours le principe de la meuf qui dit quelque chose et il faut penser son contraire. Je veux me faire violer, mais pas méchamment. Ouais, donc, oui, putain, mais t'es pas romantique quand tu me violes. C'est normal. Oui, c'est un peu normal. Bon, donc voilà, dites-nous, il y a aussi des trucs glauques, faire l'amour sur un terrain de foot en plein jour. C'est bien, ça. Ouais, c'est bizarre. Hein. Enfin, non, c'est sympa. Ouais, c'est au Stade de France juste avant un match. Oui, non, aussi, pendant le match. Oui, il y a aussi faire l'amour à un inconnu ou encore se toucher pendant une réunion. Ouais, mais on peut appeler Bernard Campan si c'est ça. Bon, par contre, comme on fait une réunion tous les jours, Sandro. Ah non, ça me donne pas du tout envie. T'es jamais. Non, je ne pense pas au sexe quand je suis en réunion avec vous, non. Ah bon, non. Vraiment pas. Ça m'étonne. Nous bien, on pense au sexe. Ouais, on pense qu'à ça, par contre. Ouais, non, on est un peu déçus pour la peine. Là. Quand je parle, quand tu parles en réunion, moi je bande. Bon, bah, donnez votre avis aussi. Et puis dites-nous aussi, à votre avis, quel est le fantasme numéro 1 chez les meufs. Il y a Emeline sur le groupe Facebook qui a déjà trouvé. Il y a un message de Mathilde qui dit j'écoute sans ma soeur, heureusement. Elle a 9 ans. Oui, bah en même temps, c'est pas fait pour ça. Tu me diras. Hein. Gaëtan qui nous salue. Il y a Étienne, il y a Willow également dessus. Il y a Marion, Sacha, Jordi, Angélique, Clément, Carole, Dorian, Pierre-Louis, puis les autres. Hein, si vous voulez rejoindre tout le monde, on est quasiment 29 000. Là, ça se passe sur mikl.fm. Ah oui, ça monte. Hein. Mikl.fm. Cliquez sur la communauté. Voilà. Au niveau du son ce soir, on en mettra. On en mettra du son. Il y aura Maïka, il y aura Jessie Alicia Keys, il y aura du son Rock US également. On va se mettre. Junior Caldera, Stromae aussi avec Alors on danse. Et puis on va s'écouter le répondeur aussi, hein, comme tous les soirs. 01 40 71 3400. Écoutez les messages que vous nous avez laissés. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut la bande de Mickaël. Mon frère, un jour, il m'a balancé mon ballon très très loin. Et après, je ne l'ai pas trouvé. Et après, il m'a crevé l'œil. Est-ce que tu peux me donner un ballon, s'il te plaît? Au revoir. Un message. Plutôt. Message suivant. Où tu veux un conseil? À ta place, j'arrêterais de supporter l'équipe de Paris parce que là, c'est la cata. Fin du message. Ah. Message suivant. Que fait Roux après un match du PSG de Ligue des Champions? Il est un peu spécial. Fin du message. Vous savez, hein. Message suivant. Comment les abeilles communiquent-elles entre elles? Par email. Fin du message. Message suivant. Non mais c'est dégueulasse. On pourrait au moins réparer votre webcam. Avec des amis, on se mobilise donc pour vous en acheter une autre. Et comme vous l'aurez fait, nous une faveur, faites un striptease. Voilà, donc vous êtes, nous on dit que vous êtes des gros connards, des bâtards et tout. Donc voilà. Et on vous aime. Allez, bisous. Fin des nouveaux messages. Oh, IML. Ouais, c'est nul, mais ouais, bon, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est nul. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, donc on va faire gagner. On fait gagner IML. Très bien. J'ai tout entendu, en plus, c'est parfait. Bah, c'est parfait. Bon, allez, Micha qui est là aussi, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à rejoindre son groupe sur Facebook, bien sûr. Et une bonne nouvelle pour Jack, hein, le Barça mène 9-5. Oh, putain, trop fort. Ah oui, c'est du basket. Basket, oui. Ah oui, c'est du basket. Bon, voilà, 01 40 71 3400, lâchez encore vos messages. Et puis, on va revenir juste après le son de Christophe Maé avec. Bing, bing, bing, bing. Ah bah voilà, oh putain, j'ai cru un moment que t'étais endormi. C'était Christophe Maé avec Ding Ding Ding Ding sur Énergie. On est là comme tous les soirs entre 21h et minuit. Je rappelle qu'il y a toujours les podcasts que vous pouvez écouter sur iTunes. Tapez M-I-K-L et puis là vous faites le ménage avec les applications, avec les podcasts, avec tout ça. Et puis vous téléchargez ce que vous voulez. Donc c'est sur iTunes que ça se passe. Et sinon, on salue encore tous ceux qui sont sur le groupe Facebook sur M-I-K-L.fm dans la communauté. Laetitia, Marion, Willow, Nico, Louis également qui sont là. Et Louis qui fait partie et qui fait la promo du groupe Micha Mauvais Mauvais. Voilà, mauvais, donc, c'est voilà. Trois fois. Mais, ah, pardon. C'est comme dingue, dingue, dingue. Voilà, pareil. Voilà, donc c'est mauvais, mauvais, mauvais. Bon, je sais pas combien on est sur son groupe, dis donc, je vais aller jeter un œil pour voir. Plus de 200 au moins. Ah, quand même c'est pas mal. Les gens ne sont pas dupes. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, on reparle des fantasmes dans un instant des filles, puisqu'on est tombé sur une étude, donc comme quoi les meufs kiffaient en troisième position jouer dans un film porno, deuxième se faire gâter par un gigolo, et on cherche le premier. À votre avis, quel est le fantasme numéro un des filles? 612 débuté par Énergie ou sur mikael.fm dans la communauté, sur le fanbook et sur Twitter. Donnez votre avis. On aura bien évidemment le problème du forum aujourd'hui, hein, comme chaque jour. Nous avons encore réussi à trouver des perles de questions sur n'importe quel forum. Et bon, souvent à base de cul, parce que c'est les plus drôles, mais celle que j'ai ce soir, elle est dure. Hein. Mais c'est de cul ? Ah oui. Okay. Ah oui, mais elle est dure. Hein. Ah oui, elle est très très dure. Bon, enfin bon, on en parlera tout à l'heure. Est-ce bon. Qu'il est possible de trouver une réponse à ça ? Oui, bah, cette fois-ci, j'ai sélectionné quelques réponses qui étaient sur le forum. Donc comme ça, on pourra lire aussi les réponses. Voilà, et puis on essaiera de répondre avec nos mots également. Bon, on va se faire le faux JT maintenant ? Allez. Attendez. Oh, bah quoi, ils faut attendre leur pile. Bah oui, il est 21h13 et 55 secondes, ça va pas commencer à JT pas là. De toute façon, ça enregistre. Il est 14. Top, c'est parti. Nous sommes en février 2010. Bonsoir à tous. Politique. Daniel Cohn-Bendit veut une présidence tournante en Languedoc-Roussillon. Dominique Strauss-Kahn ne s'intéresse pas à la présidence, mais a adoré l'idée de tournante. France. Les familles des soldats français tués en Afghanistan ont été déboutées. Elles avaient porté plainte contre l'armée pour mise en danger de la vie d'autrui. Et du coup, un groupe d'actrices porno a décidé de porter plainte contre leurs collègues pour harcèlement sexuel. Divers. L'Observatoire français des drogues estime que la consommation de cocaïne, d'héroïne et de champignons hallucinogènes est en forte progression, mais il en manque encore des preuves avant d'officialiser la nouvelle. Loana fait son retour, c'est pas suffisant comme preuve. Iran. La production d'uranium hautement enrichi a été lancée en Iran. Les puissances occidentales ont donc menacé le pays de nouvelles sanctions. Ahmadinejad pourrait bien être privé de dessert lors du prochain sommet de l'ONU. People. Brad Pitt et Angelina Jolie se sont précipités à Haïti. Oui, vu le prix de l'orphelin à Haïti, ils avaient peur que Madonna arrive avant eux. Voilà, très bien, c'était le faux JT, donc que vous retrouvez tous les jeudis et que vous pourrez retrouver sur mikael.fm dans la rubrique les sons, ainsi que les sons US et les sons de la cave qu'on diffuse tous les soirs. Bon, on était dans le drôle, dans le joke. Oui, dans le joke. Voilà, continuons puisque chose improbable, qui aurait cru que Moundir ferait de la télé? Ah ouais. Oh, si, pas lui en tout cas. Non, attends, il était tellement improbable qu'à un moment on s'est dit mais comment? Déjà, il avait fait le Koh-Lanta des héros, là. C'est ça, le retour des héros. Le retour des héros qui était passé. Ouais, il est vite parti. C'était l'année dernière, non? Je sais plus. Ouais, enfin, Mounir, en gros, celui qui gueule tout le temps. Ouais, c'était l'année dernière, En mai dernier. Ouais. C'est qu'il a fait une tirade, là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bon, bref, Mounir, l'aventurier de l'amour, alors. C'est ça le pire. Sur TMC, ouais. C'est ça le pire, c'est qu'il fait une émission, c'est l'aventurier de l'amour. Bah, c'est un peu le Grec le millionnaire, mais l'aventure. Ouais, c'est Bachelor. Ouais, en gros, c'est un peu ça. Et donc, écoutez, parce qu'on a pris quelques petites perles quand même, il est à Miami pour trouver l'amour, et heureusement, il sait parler anglais, je crois que c'est l'euro qui lui a pris. Hello, Miami! Hello! Mounir! United States of America! Oh, gars! Déjà, il dit USA. Ouais, c'est ça, ouais. C'est déjà pas mal. Il y en a un autre, après. Ouais, il y en a un autre. Oh, you're very welcome, man. My pleasure. Nice meeting you. You're the best garden. You're the best garden. Ah, tu es le meilleur jardin. Tu es le meilleur jardin, le plus beau jardin. Bon, ça dépend ce que vous voulez dire exactement. Et puis là, on arrive. Donc, on a bien vu que Moundir était au taquet de la langue locale. English. C'est-à-dire l'anglais. Et donc, Moundir doit séduire chacune des candidates. Mais ferme-la, toi. Tu déconnes sans cesse, là. Je vais voir ta gueule pour rien dire, là. Tu vois, c'est Armal qui m'a provoqué. Tu vois, je vais te provoquer. Je vais te noyer dans la piscine. Tu vois, c'est Armal provoque, là. Je vais te faire rire. Mais moi, ça me fait rire. Parce que quand je vais te noyer, tu vois, tu vas rigoler longtemps. Vas-y, noyez-moi. Mais arrête d'en rajouter, Marie. Mais j'en rajoute, c'est tellement comique. Je suis obligée d'en comique. Tu vois, si je noie, ça va être comique aussi. Ma main dans ta gueule. Pas de violence. Ouais, c'est Amal, mais on l'a reçu Amal. Ouais, ouais, elle est un peu violente. Elle est un peu violente quand même. Mais bon, Moundira a affaire à beaucoup plus intelligent que lui, malheureusement, écoutez. Bon, de toute façon, il n'en restera qu'une au final. Non seulement elle aura une belle histoire d'amour, je l'espère, je vous le souhaite, avec Moundir, mais il y aura aussi un magnifique voyage au bout du monde avec lui. C'est où le bout du monde? Mais oui, ça s'arrête où? On aurait pu croire que son héros avait joué dedans. Hein. C'est où le bout du monde? Où est-ce que ça commence? C'est sur quel continent? Bah, c'est ça, où ça commence, où ça s'arrête. Et c'est quoi la capitale? Tu voudrais aller au bout du monde, Sandra, ou pas? Capitale du bout du monde. Ça dépend si c'est Moundir la capitale, non? Bon, avec. Ah, quelle horreur! Avec Roux? Bah, ça dépend ce qu'il y a là-bas. Avec Toff? Non. Ah, même s'il y a beaucoup de trucs qui déchirent. Si, au bout du monde, une fois que t'es arrivé au bout du monde, ça que je veux dire. Ouais, pourquoi pas. Moi, tant qu'elle va jusqu'au bout de mon bon, ça me suffit. Ça hein. Non, par contre, ça, tu peux rêver. Hein. Tu l'arc teuf et puis tu te tapes un bout du monde. Voilà. C'est son gland, la capitale. Bon, et on va retourner à l'école avec Moundir, évidemment, à faire un petit cours de mathématiques grâce à Moundir. Putain, je dis honnêtement, c'est super dur. J'ai compté, je crois, il y a 24 yeux qui me regardent. Alors, je vais m'amuser à faire des pronostics. 28, ah oui, 28. Ah bah oui, parce que Inès est revenue. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, si Inès est revenue de 24 yeux. Ça voudrait dire qu'elle a 3 yeux. 24 à 28, c'est-à-dire qu'elle a 3 yeux, la meuf. 4. Allons, 4. De 24 par la 28. Ah oui, 4. Mais pas, ça veut dire qu'elle a 4 yeux. Oui, voilà, là oui. Ça va. Là ça non, va, c'est ça pas logique non plus. Quand mais il ça arrive, va, elle en a pas que deux, quoi. Bon, on parlera d'histoire tout à l'heure avec Moundir, on en reparlera, Moundir. Bruno, t'as regardé, toi, Moundir, hier sur TMC? Bruno? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pour les fantasmes. Comment ça va? Oui, il appelait pour les fantasmes. T'as appelé pour les fantasmes? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Et je sinon, quel est ton fantasme? Avant qu'on en parle des fantasmes, t'as regardé hier, Moundir, ou pas? Non, je travaille la nuit. Ah oui, comme 59 600 000 personnes. Ouais, parce qu'il y en avait 400 devant. Qui n'ont pas regardé Moundir. Ah ouais. À peu près, quoi. C'est vrai que ça n'a pas cartonné. Ça n'a pas cartonné en même temps, tout le monde n'a pas TMC non plus. Et puis le Bachelor, on l'a déjà vu plusieurs fois, quoi. Qui plus est. Bon, c'est Moundir, là, quand même. Bruno, pareil. On parle donc des fantasmes féminins dans quelques instants, puisqu'on était tombé sur l'étude, qui disait que les meufs, apparemment, en troisième fantasme, c'était de jouer dans un film porno, en deuxième, c'est de se faire gâter par un gigolo. On cherchait le premier, on va en parler dans un instant, d'accord? D'accord. Bon, ne bouge. Ça m'intéresse, j'attends. Ne bouge pas de la série, Bruno, qui a 42 ans. T'as entendu qu'il a dit je travaille de nuit. Tu travailles à quel moment de la journée, Bruno? Maintenant, là, je suis au travail. Ah, donc tu travailles quand le soleil est couché, quoi? Voilà, c'est ça. Comment on appelle ça encore? Right. Comment on appelle ça encore? Je comprends, j'entends pas bien. T'as le travail de jour et puis t'as le travail de. Ça marchera pas. Bruno! Oui. T'as le travail de jour et puis t'as le travail de. De nuit. Très bien, bon Bruno, on va parler avec toi dans un petit instant. Justement, je suis là, Bruno. On se met un peu de pub, on revient tout à l'heure. Avec entre autres Maïka avant 22h. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Si les nouveaux projets de l'OS devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 5 secondes pour parler ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Ce serait celle de Michael et sa bande de paumés. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Bien sûr, et on est là tous les soirs entre 21h et minuit sur Énergie avec pas mal de messages qui sont arrivés par rapport à l'étude sur laquelle on est tombé. Comme quoi les meufs, donc en troisième position, aimeraient comme fantasme du moins jouer dans un film porno. Deuxième, se faire garder par un gigolo. Et on cherchait le troisième, on va essayer de trouver la réponse d'ici quelques minutes. Il y a Carole qui disait les mecs musclés en uniforme. Non, on avait déjà proposé ça, ce n'est pas ça. Laetitia qui se rend compte que Sandro ne sait pas compter. Oui, nous sommes bien rendu compte également à l'instant. Pour Sandro, 24 plus 3 égale 28. Non, mais c'est bien. J'ai compté le 25, j'ai fait 24, 26, 27, 28. Mais ça arrive même au meilleur. Ouais. Voilà, et c'est ce qu'il faut se dire en fait. Hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Elle a déchiré une feuille de papier en petits morceaux et elle est en train de rejouer comme si elle faisait une réussite. Tu vois, elle dépose des cartes. Ouais. Elle et non, vous n'avez pas compris, je refais un puzzle. Ah oui. Ouais, t'es pas arrivé. Ouais, c'est surtout pas doué. Tu dois faire ça pendant l'émission, tu dois réussir à refaire la feuille. Et un chocolat. Non. Deux chocolats. Non, je suis un régime là. Une crêpe au Nutella. Je fais les abdos de Britney Spears chaque matin. Alors, t'as les vu que ça avait pas marché sur elle déjà. Arrête, j'ai commencé il y a 3 jours. Oh là là. Non, mais tu sais, en fait, c'est des abdos normaux, mais c'est juste le fait qu'on dise que c'est les abdos de Britney, ça t'encourage grave en fait. Ah, ouais, ça m'encouragerait pas. Moi, ça m'encourage grave. Bah écoute, tant mieux. Hein. Enfin, faut regarder des photos d'elle d'il y a 10 ans. Hein. Faut regarder les dernières. Hein. Et toi, quand est-ce que tu vas faire des abdos de. C'est comme le roux est à fond sur le sport. Enfin, était à fond jadis à l'époque quand il était jeune. Eh bah, les abdos de Brad Pitt. Eh bah non, je fais ceux de Britney Spears aussi. De Carlos. De Carlos, ouais. Regarde son âme. Oui, tout à fait. Bien évidemment. Plombe bon. L'ambiance, plombe. Oui, oh, bah écoute, en même temps, c'est vrai. Pourquoi bon, paix à son âme. Il est mort. Il est décédé. Carlos. Oui, oui. Oh, je savais pas. C'est dingue. C'est dur. Ah, je suis triste. Toi, il avait un enterrement en grande pompe. Oui, il n'a pas le choix. Oui, oui, non, là, pour la peine. Bon, tu payes plus cher le... De quoi? Le cercueil. Ah bah tu payes au centimètre carré de bois. Hein. Bah ouais, c'est vrai. C'est, vrai. C'est comme Air France, hein, c'est dégueulasse. Tu vois, les gros, ils subissent la société, quoi. Ils sont capables de gros. Ah, ils faire régime aussi. C'est régime. Bon. C'est une maladie, l'obésité. Hein. On parlait de Moundir tout à l'heure et on va continuer à en parler dans un petit instant puisque j'ai encore d'autres perles de son émission de télé sur TMC. Et puis surtout, on va se faire un petit aventurier de l'amour made in énergie puisque nous avons un amoureux. Un aventurier. En stock. Ce n'est pas quelqu'un de l'émission. C'est un célibataire. Hein. C'est un célibataire. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Ah, très très grand séducteur. Et les filles, si vous êtes en manque, et Dieu sait que vous êtes en manque, d'après ce que je vois sur le groupe Facebook, là sur amical.fm, dans la communauté, vous êtes en manque. Il y a un homme que nous vous présenterons dans quelques instants, il faudra le séduire et lui seul pourra décider si oui ou non il vous gardera ou non, ou pas. Quel est cet aventurier? C'est un aventurier, un très bel aventurier. Tu l'as déjà vu. C'est l'aventurier de l'émission. Je l'ai déjà vu, c'est l'aventurier. Non, parce qu'il fait pas partie de l'émission. Il ne vient pas dans le studio. Ouais, on l'a rencontré. D'une certaine manière, quoi. On l'a déjà rencontré quelques fois, mais sans plus. Donc vous ne le connaissez. Vous le connaissez peut-être un petit peu pour ceux qui sont souvent sur internet. Et pour les autres, bah non, mais c'est pas grave. Vous ferez connaissance. Crains le pire. Mais non, faut pas. Voilà, c'est en toute simplicité. Mmh. Donc si vous voulez vous inscrire, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez Moundir, voilà, avec votre numéro de téléphone, les filles, hein, même les mecs, cela dit, pourquoi pas. Et tu veux ou pas alors... te présenter avant parce que t'as peur qu'il n'y ait pas d'inscription? Non, ou... c'est la surprise. D'accord. C'est la surprise. C'est pour pas saturer le standard. Si on le présentait tout de suite, le standard ouais, exploserait, voilà. Micha pourrait pas gérer. C'est pas faux. Je vous rappelle que je suis en contact avec Jared Leto. Ça pourrait être lui. Voilà, Bill de Tokyo Hotel. Ça, j'ai pas de contact, mais ça pourrait être lui aussi. Donc voilà, inscrivez-vous les filles, mikael.fm dans la rubrique La Communauté également. Et nous prenons maintenant Bruno qui est là, 42 ans, de Montélimar, qui voulait réagir par rapport au fantasme des meufs. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie qu'une femme m'attache. Tu fais quoi dans la vie la nuit? Et me frappe. C'est parfait. Moi aussi, j'aimerais pas le dire. Tu travailles dans quoi? C'est parfait. Moi aussi, j'aimerais faire ça. Les banques. Les banques. Les banques la nuit. Tu es maître chienne. Oui. Attends, voilà. C'est les banques la nuit. Oui. Mais alors, c'est dans la sécurité, quoi. Ouais, dans la sécu. Non. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il spécule avec notre argent pendant la nuit? La nuit. Ça ou cambrioleur? Je vais chercher vos chèques. Facteur. D'accord, ok, très bien. Ah oui, donc tu vas chercher les chèques que les mecs mettent dans la boîte, ouais, voilà, c'est ça. Dans la boîte à chèques. Voilà. Dans la boîte à chèques, d'accord, ok, très bien. Voilà. Ça doit être dur de voir des gros chèques comme ça passer et te dire putain, je peux rien faire, même si je le vole. Ben oui. Ça fait chier, tu vois tout cet oseille qui est là, qui traîne. Enfin, bon. Bon, sinon, on parlait de fantasmes, oui. Bruno. On t'écoute. Oui. Alors moi, donc je rentre, j'ai jamais d'heure, j'ai 1 heure, minuit, 2 heures, ouais. Et ma femme m'a demandé un de ces jours, elle veut pas savoir quand, et ben je rentre sans rien dire et que je la gueule. Oui, alors ça fait partie des fantasmes cités dans le sondage qu'il y a eu auprès des filles. C'est très fréquent chez les femmes. C'est surtout le quatrième, hein. Attends, parce que tu vas rentrer, tu vas dégommer ta femme et ta femme va faire non, arrête. Derrière, elle est capable de te faire la tête parce que t'avais dit non. Ouais, la meuf elle est capable. Tu n'écoutes jamais. Bah, attends, mais si j'écoute tout le temps. Regarde la semaine dernière, hein, tu m'as quasiment violé. Ouais, voilà. Alors que j'avais la migraine, salaud. Ouais. J'étais fatigué, j'étais pas lavé, tu l'as fait quand même. C'était à ta demande. Oui, mais quand même. Ouais, mais ça c'est le problème. C'est pas parce que tu vois, on peut pas leur faire confiance. Non. Tu peux même pas rentrer. Légalement, ça existe le viol entre mari et femme. Ouais, bien sûr. Si elle a envie en plus de te foutre la merde, vu que, enfin, tu vois, tu fais semblant, mais bon, tu sais, t'as quand même les. Elle enregistre. Ouais, film, et hop. Après, hop, elle te fout bien dans la merde. Exactement, ouais. T'as vu? Elle m'avait demandé, monsieur le juge. Oui, ouais, monsieur, ouais, c'est ça. Bien sûr, vous avez raison, ouais. Et ça, devant un juge, t'es mort. Hein. Ouais, c'est clair. C'est ça, pas sûr, parce que si l'avocat, il a ton étude que t'as là. Ouais, c'est vrai qu'il peut en jouer, mais enfin bon. Bon, et donc Bruno, comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai pas encore fait, là, j'attends, je tourne en rond parce que j'ai pas eu genre. Oui. Ouais, bah ouais, normal. Ouais, mais c'est déjà, tu sais, comment tu passes du truc où t'es à peu près tendre avec ta meuf, je dis à peu près parce que je parle de moi, où t'es à peu près tendre et après tu dois devenir la pire merde, quoi. Tu mets le coussin déjà, comme ça, si elle est queen, ça s'entend pas. Ouais. Ah, oh, putain, t'as des idées, toi. Tu penses à sa mère. Oh non. Moi. Ah non, pour être violent. Ah non, non. Non, mais même pas. Ça te fait déborder. Ouais. C'est clair. Enfin, ça dépend de la mère. Hein. Bon, et Bruno, et t'aimerais bien le faire alors concrètement, ou t'as juste peur qu'elle change la vie en plein milieu, ou je sais pas. Bah, moi, j'ai peur de vraiment trop jouer le jeu à la limite. Elle a sorti un viol à la limite. C'est bon, il faut mettre des bâtons. C'est violent, quoi. Non, mais là, ah, oui. Non, il n'y a pas des coups dans la gueule, hein. Oh, il n'y va pas avec un couteau sur toi, hein. Un viol, c'est ça. Il faut pas mélanger. Le mot viol est utilisé, mais c'est pas réellement ça, hein. C'est plus de la soumission qu'elle te demande. C'est comme, les mecs, leur fantasme, c'est de se faire choper par une nana et qu'elle fasse la totale, par une inconnue. C'est un peu la même chose. Ouais, ça, j'aimerais bien. D'ailleurs, si vous êtes une inconnue, retrouvez-moi à la porte de la radio ce soir. C'est ça, oui. Après, elle te demande pas de venir avec un couteau et de lui mettre sur la gorge, hein. Ouais. Non, t'es pas dit un couteau, mais t'es bien obligé de la coincer quelque part, quand même. Mais non, mais tu lui attaches les mains, tu vois, déjà. Le problème, c'est que si vraiment elle n'a pas envie et que toi tu captes pas, tu te dis ouais, elle est dans le jeu. Ah bah ouais, mais ça, c'est le jeu de la meuf. Bon, hein. Attends, la meuf, elle demande son fantasme, c'est le viol. Si après elle dit non, le mec il y va, forcément. En tout cas, n'y va pas avec une cagoule sur la tronche, quoi. Hein. Je vais pas lui dire, attends, chérie, je vais te violer, quoi. Non, ou alors, si d'accord sur un code, tu vois, voilà. Si je te dis ça veut dire que je veux pas. Et dans l'autre sens, c'est, enfin là, elle s'attend à ce qu'un jour quelqu'un rentre et la viole. Donc donne-nous son adresse, on va aller se faire plaisir. Oh. Mais par contre, Bruno, ce que tu peux faire, Bruno, si son délire c'est de mettre la cagoule, tout le bordel là, non. Si t'as pas envie, tu demandes à un pote de le faire. Il vient, tu sais, il faut qu'il fasse noir, il fait l'affaire, la meuf elle va peut-être kiffer. Donc tu reviens, alors t'as kiffé ma belle. Ah ouais, c'était énorme. Bon là, t'es peut-être un peu dégoûté aussi, si ton pote est meilleur que toi, mais. Ça c'est marrant, cette fois t'étais beaucoup mieux que d'habitude. C'était plus long. Ah, bah écoute, c'est possible. Bon, et donc du coup, bah. Dites-nous les filles, si jamais ça a déjà été votre fantasme, bah forcément, puisque c'est le quatrième dans le sondage qu'on a lu. Si donc vous l'avez forcément déjà fait aussi. Et si vous l'avez déjà fait, effectivement, ça pourra peut-être nous aider. Bruno, reste là, on va demander aux filles, d'accord? Et aux mecs qui l'ont fait aussi pour Et aux mecs qui l'ont. Enfin, oui, mais ils sont pris en ceux-là. C'est un petit peu compliqué. C'est dangereux quand même. Bon, 612, débutez votre message par énergie, vous laissez votre numéro, les mecs et les filles. 0800 70 42 48 également. Et puis, sinon, sur le groupe Facebook, mikael.fm, avec notamment Carole, il y a Léo qui est dessus, Laetitia, qui disait la banque la nuit, je connaissais pas. Oui, bah là, on a compris, c'est Bruno qui récupère les chèques, en fait, tout simplement. Il faut bien des gens la nuit pour ça. Et alors, un message qui est arrivé au 612 qui dit, Mikael, le premier fantasme des femmes, c'est de coucher avec toi, n'est-ce pas, Sandro? Elle l'a dit dans une interview. Oui, mais c'était une vanne. Hein. Ah, il me semblait aussi. C'est des trucs là, des présentations sur nous. Ah on oui, d'accord. À côté okay. De la plaque. Mais après, oui, c'est. Je suis pas dans le classement, c'est vrai. Non, mais tu sais très bien qu'elles ont pas osé te forcer, mais qu'elles le pensent. C'est assez bizarre d'ailleurs. Tout le monde veut coucher avec toi. C'est parce que pas non, pas tout le monde exagère. C'est pas, mais une bonne partie des filles qui nous écoutent, j'imagine. Ah bah je sais pas, mais après c'est bizarre, je sois pas dedans. C'est déjà, il y a Jared Leto. mais c'est déjà fait, c'est plus un fantasme. Mais ça n'a rien à voir. De un, c'est pas fait. De deux, ça m'intéresse pas. Et de trois, c'est pas parce que je discute avec un mec que d'office il a envie de me péter le cul. Mais lui, qu'est-ce que ça l'intéresse? Si. Mais arrêtez un peu. Si, il a fait un groupe sur Facebook. Bon, faites les malins, parce que normalement on devrait l'avoir au téléphone là, peut-être pas ce soir mais demain pour parler de son. Vas-y, on va lui dire c'est toi qui veux lui péter le cul. De sa pseudo-agression là à Los Angeles, on en a parlé dans la semaine là. Ah bon? Bah oui, oh là. Tu t'es fait agresser? Mais non. Par les fans. Oui, voilà. Avec en fait, ils ont mis un car, ils ont un colis piégé. Le mec est arrivé dans la salle de concert. Il a dit j'ai une bombe dans la boîte. Il s'est fait tabasser par un mec du groupe, mais je sais pas lequel. Et au final, c'est juste des bonbons. D'accord. Voilà, oui, il a fait une mauvaise blague, quoi. Et ouais, il a annulé le concert. C'est normal. Et ils ont dû appeler les démineurs et tout. Hein. Ah putain. Bah ouais. Tu sais pas s'il y a une bombe ou pas, donc t'appelles les démineurs, c'est normal. Oui, tout ça pour des sucettes, c'est violent. Donc voilà, Mike, on écoute ça maintenant avec Embrasse-moi et on revient juste derrière, toujours avec le sujet, le jeu des amis. Elle a peut-être la bonne réponse sur le numéro 1 du top 3 des fantasmes des filles. C'était le son de Mike à l'instant avec Embrasse-moi et Kyrian sur le groupe Facebook sur amical.fm dans la communauté où on est quasiment 29 000. Venez rejoindre tout le monde. Numéro 1, se faire prendre nu dans un hôpital. Non, se faire prendre dans un hôpital, pardon, j'ai rajouté nu. Non, mais quoi qu'il arrive, hein, ni l'un ni l'autre, c'est pas ça. Il y a Nicolas qui proposait, numéro 1, faire l'amour avec une célébrité connue, forcément. Sinon, oui, c'est le concept d'une célébrité, en fait. Sinon, elle est difficilement célèbre. Ah non, mais regardez, ils savent faire des célébrités pas connues. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas faux, effectivement. Thomas qui disait numéro 1, c'est de faire l'amour avec un inconnu, je crois. Non, ce n'est pas ça, mais nous avons Sandy qui est là maintenant du 76. Salut Sandy. Salut. Comment ça va? Oui, ça va. Bon, bienvenue à toi, Sandy. Et Mathieu aussi sur le groupe Facebook, il disait, selon moi, c'est le faire sur une plage avec une star du X. Oh là là. Non, c'est non, pas c'est ça. Trop commun, ça. Non, tout le monde le fait. Ouais, bon. Avec une star du X, ouais. Sur une plage, en plus. Puis une star du X, c'est un peu, enfin, je vais être méchant, mais c'est un peu comme une pute, quoi. T'as l'impression d'être le 25e à passer derrière. Il y a des non, garçons, ça dérange pas. Après, oui, il y en a qui sont un peu plus sentimentaux. Sentimentaux. Au dernier moment, tu t'es rattrapé. Oui, c'est bien, mais c'est rattrapé, c'est le principal. Tu pourrais être aussi le 25e qui passe sur ta copine. Ouais, non, je prends pas des usagers comme ça. Alors que moi, elle est au moins la centième à me passer dessus. Mais non, pour le roux, il faut toujours le contrôle technique. Hein. C'est que 30 km, ça sert à rien. Bon, Sandy, bienvenue à toi. Tu avais la réponse, toi. Donc, quel est le fantasme numéro 1 chez les filles? Déjà, chez toi, c'est quoi? Moi, c'est plus des lieux, c'est pas. C'est plus des lieux. En tout cas, c'est pas le premier, quoi. D'accord. Et donc, le premier, c'est quoi? Le premier, je pense que c'est le fer à trois avec deux hommes. Exactement. Ah putain, je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'as fait chier. Ah non, tu l'as dit quand j'avais dit on cherche le troisième. Et je te dis, effectivement, mais c'est pas le troisième. Non, c'est un mytho. Oh. T'es un mytho. Oh. T'es un. Bah, voilà, il a raison. Non, si c'est vrai, il a dit avant. Ouais. Moi, j'ai raison? Non. Mais non, il a tort. Ouais, bon, Sandy. Mais juste, elle a pas dit c'est quoi bon, les lieux. On est trois à le dire. Elle a pas dit les lieux où elle voulait le faire. C'est quoi les lieux, toi, Sandy? La piscine publique. Oh, c'est sale. Les bactéries qu'il y a là-dedans, c'est dégueulasse. Tous les gens qui font pipi dedans. Et qui font ça aussi dedans. Moi, je fais pipi dans la piscine. Le nombre de sperme. C'est pas vrai. Je le dis pas. Bah si, tu viens de le dire, bah justement. Non, mais je dis pas quand je le fais. Ah, d'accord. Bon, ça nous. C'est bien, parce que la prochaine fois qu'on partira en vacances, maintenant, on saura qu'il. Ah ouais, moi je fais pipi dans la piscine, je m'en fous, hein. Quelle horreur. Il vaut mieux la nettoyer avant. Hein. Avec l'euro qui chie dedans, on est bien là. Ah, t'es dégueulasse. Ça va pas. C'est lui qui est dégueulasse, attends, parce que tu pisses dans l'eau. C'est ça, quoi. Moi je ne fais que parler. Qui n'a jamais fait pipi dans la mer? Non, mais dans la mer, c'est pas la même chose. Oui, bah dans la mer, si tu préfères. Non, mais oui, mais enfin, c'est pas pareil. Après, t'as la tub plein de sel, ça tire et tout. Ouais, déjà. Bon, Sandy, je te fais des gros bisous, on va te filer les cadeaux, je te renvoie chez Micha au standard, ok? Ok, ça marche. Salut, à bientôt Sandy. Salut. Ciao, et on va faire le jeu des amis maintenant avec Dylan qui est là. Salut Dylan. Salut Mika, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, bienvenue à toi, on va faire le jeu des amis. On va donc appeler un de tes potes, Alex, Julien ou Anissa? Julien. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Je l'ai. Oui, bah dis-le, mais tu viens le modifier, c'est facile. Ouais, on a toutes les machines. Mais arrête, tu peux, c'est des voix, évidemment. Il va passer pour un petit joueur. Mais oui, c'est roux, il va passer pour un petit joueur. Surtout. Allô? Allô? Allô Julien? Ouais. Salut Julien. Bon Julien, t'es en direct à la radio sur Énergie. Je t'appelle avec Dylan pour le jeu des amis. Ok. On va te poser 10 questions. Si tu réponds bien à 6 sur 10, c'est gagné. 10 questions à son sujet, bien sûr. Ok. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêts, c'est parti. Première question. Quel est son dessert préféré? Glace au café. La glace au café, bonne réponse. Quelle horreur. Dans quelle matière scolaire est-il le plus nul? Science. Bonne réponse. C'est vague, hein. Quel est le nom de sa revue préférée? Rap Mag. Non, le 11 mondial. Ah ouais, c'est presque pareil. Sur quelle star française est-ce qu'il est en kiff? T'aimes pas le football, toi, hein. Cynique, bonne réponse, ouais. Oui. Quel est son plus gros défaut? Son plus gros défaut, c'est quoi? Fouteur de merde. Non, il a un caractère de cochon. Combien de partenaires sexuels a-t-il déjà eu? Deux, bonne réponse. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il? Deux. Oui, deux fois. Eh ben oui. Eh ben oui, effectivement. Quelle partie du corps l'attire le plus chez une femme? Les fesses, bonne réponse. Quelle est la personne qu'il déteste le plus? Jason, dommage. Quelle est la destination de ces dernières vacances? Le plus beau pays du monde. Et oui, effectivement, le Portugal. Eh ben, 7 bonnes réponses, 3 mauvaises. C'est gagné. Bravo. C'est pas mal. Bravo pour le Portugal, t'as été où, Dylan? À 200 km de Porto. Ah oui, enfin, ça fait vite l'autre côté. Hein. Ouais, ça fait Lisbonne, quoi. Ouais, bah non, en fait, de l'autre côté encore. Ah, de l'autre, vers l'Espagne? Ouais. Ah, vers l'enfer, donc. C'est ça. Vers l'enfer. Oh, ça va, si on peut plus rire maintenant. Bon, Dylan, c'est gagné. Julien, c'est gagné. On vous renvoie chez Michel au standard. On prend vos coordonnées et on vous envoie les cadeaux très vite. Ok, merci. Okay. Salut. Salut tous les deux, à bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye. C'est bien avec les Portugais, c'est qu'on se marre bien. Non, c'est vrai, ils sont. Non, c'est vrai. C'est des déconneurs, quoi. Ouais, voilà, on se pointe souvent avec eux, quoi. Ouais. C'est drôle, c'est vrai, ça pour arriver à ces fans de merde. Allez, pub. C'était Jay-Z Alicia Keys à l'instant, Empire State of Mind. Et puis on en parle aussi sur le groupe Facebook, sur amical.fm, dans la communauté. Il y en a qui a envoyé, c'est Erwan qui dit, numéro 1 des fantasmes. Bon, on l'a déjà trouvé, mais vous pouvez continuer à donner vos idées. Alors lui, par contre, il a déjà tout en tête, hein. C'est fait, je sais pas s'il a déjà vécu ou pas. Trouver une serveuse dans un bar qui a tous les atouts qu'il faut. Elle vous sert un verre, elle se baisse. Vous avez une vue imprenable. Elle se relève, vous prend la main et tout s'enchaîne. Ensuite, elle fait la totale. Ouais. Ah bah lui, il a un vrai fantasme, quoi. Ah lui, par contre, il est dedans. Alors, j'ai vécu 30% du truc. Elle t'a servi un verre. Non, pas moi, c'était avec Pablo en fait. Ah, c'est Pablo qui s'est abaissé, t'as vu une vue imprenable. Non, non, en fait, on était en vacances. Où ça? On était en vacances à Miami. Ah ouais. C'était les aventuriers de l'alcool. Pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la nana, elle vient, mais elle avait une paire de Hans. Ah bah, c'est une américaine, hein. Non, c'était une russe. Elle avait un accent horrible. Et la meuf, franchement, elle avait une paire de seins. J'avais rarement vu ça, un truc énorme. Et tu sais, elle le faisait déborder elle-même. Mmh. Et là, elle a baissé le truc. Je peux mettre mon beat? Et Pablo, il disait, il boit pas de café. Hein. Un café, celui-là. La meuf, elle vient et tout, elle se baisse, elle lui donne le truc. Et je lui dis, si vraiment tu veux qu'elle se baisse... Fais tomber le sucre. Non, mais je lui dis, mais l'addition un peu... Enfin, à côté de toi, comme ça, elle sera obligée de se baisser pour la toucher. Il l'a fait. Et il a repris un café. Il boit pas de café. Il y en a un, il m'a fait, tiens, prends-le. Et il a touché, du coup. Non, il a rien fait du tout. Non. Mais il lui a donné un pourboire. Non, mais en fait, la meuf, elle a très bien vu que Pablo était un peu insistant. Et du coup, l'addition, en fait, c'est une vieille qui m'a ramené. Elle a dû dire à mon ami. Qu'elle doit se taper tous les jours, là. Ah ouais, c'est clair. En même temps, si elle le mettait pas. Ouais, si elle les met en avant, c'est pour. Ouais, mais c'est pour pourboire, j'imagine. Ah bah oui, certainement, ouais. Eh, message qui dit, attends, où est-ce que c'est? Michael, sans fantasme, ça doit être classique chez un mec, avoir deux nanas juste pour lui. Bah non, c'est même pas mon. C'est pas mon trip. T'as pas de fantasme. De quoi? T'en as pas. Bah moi, j'avais voulu faire ça dans un avion et je l'ai fait, donc ça va, c'est fait. Ouais, c'est pas un fantasme. Ça, c'est un truc parce que tu kiffes les avions et que t'as envie de mourir dedans. Ah bah, c'est un fantasme. Bah oui. T'as fait ça dans les toilettes de l'avion? Parce que ça pue, hein. C'est dégueulasse, hein. Bah oui, mais enfin, je vais pas faire ça dans le couloir. Bah si, sur les sièges, tu peux trouver. Ouais, un vol de nuit quand tout le monde dort. Ah ouais, c'est vrai. Bon, écoute, tu penseras la prochaine fois. Mais voilà, donc il y a un message aussi qui disait le kiff, c'est le faire dans l'avion avec l'hôtesse de l'air. Alors l'avion, oui, mais alors l'hôtesse de l'air. Je me permets de mettre des réserves. Hein, ouais, ça dépend des compagnies. Ça dépend. Bah ça dépend de la gueule de la meuf, en fait, tout simplement, parce que. Ouais, mais t'as des compagnies où elles sont moches. C'est acté. T'as des compagnies ou c'est que des vieilles? Non, ça dépend. Ouais, si, il y en a une où c'est vraiment pas terrible, c'est la compagnie belge SN Brussels Airlines. Ah ouais, bah oui. C'est des hommes. C'est rude, hein. American Airlines aussi, c'est rude. American Airlines, c'est rude. Air France, ça dépend. Les meufs, elles sont si vieilles que la compagnie. Ouais, Air France, ça dépend. Et alors, il y a Romain qui dit, je l'avais dit, Mickaël, dans un cockpit d'un Airbus, il kifferait. Oui, mais alors là, 380, si je puis me permettre, je préférerais encore plus. Bon, on parlera de Mounir aussi dans quelques instants encore, et puis j'ai un petit son à vous faire écouter. De quoi il parle à votre avis, le gars? Voilà, il y a 3 ans, avec ma femme, on a arrêté de... Ouais. Je cache pas qu'au début, on a un peu grossier. Oui, ça c'est une réaction normale, mais attention, à l'époque, on faisait une fois et demie par jour. Au minimum. Alors on a gagné une pièce, du coup, pas très grande, hein, mais c'est toujours ça. Et alors quand on reçoit des amis, on s'arrange. Ils vont sur le balcon. Bien sûr. Mais ça, les gens comprennent très bien. Hein. Et là... Tu nous dirais maintenant, allez, viens, on va faire une petite à la limite. Ah, ça me dégoûterait. Ouf. On n'aurait pas de plaisir. Ouais. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand on va chez des gens qui font... Ah, on le sent. On le sent. Voilà. À votre avis, de quoi parle Jean-Marie? Ça paraît évident. Et le roux, il est sûr de... Je te jure, c'est pas ça. Hein. Bah, donne la réponse. Mais ça va te faire plaisir. Moi, je t'ai persuadé que c'était... il fume. Non mais ça c'est le trompe oreille. Non, bah non, le trompe c'est baiser, non? Non. Moi j'ai même pas goûté le truc en fait. Non, la clope c'est le truc qui vient à l'esprit en premier, mais forcément il y a sûrement un piège. Mais c'est une vieille pub ça. Hein. Oui, oui, c'est possible, mais ce n'est pas ce que voilà. Je pense. Bon, si vous avez une idée, 612 débuté par énergie, sur mikael.fm également, dans le groupe Facebook, là, dans la communauté, cliquez sur la communauté, vous arriverez sur le groupe Facebook. On en parlera dans quelques instants. On parlait encore des fantasmes, puisque c'est le sujet dont on, a parlé tout à l'heure et qu'on a trouvé. C'est une étude qui a été faite sur les filles. Et donc, le fantasme préféré des filles en troisième place, jouer dans un film porno. En deuxième, se faire gâter par un gigolo. En premier, un trio avec deux hommes. Et alors, en quatrième, se faire violer. Hein. C'est quand même violent. Et alors, il y en a pas mal aussi sur le groupe Facebook. J'avais demandé leurs avis. Fanny qui dit une bonne levrette dans la neige, on l'a jamais fait. J'espère que mon mec ne sera pas mauvais. Lol. Oui. Mais par contre, ça va être très très froid. Par contre, c'est très facile à faire cet hiver. On a eu que de la neige tout le temps. Ah ben, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. C'est réalisable. Hein. Un météorologue, bon, un seul, a dit qu'il ferait froid comme ça jusqu'à fin mars. Oh là là. Bon, non mais attends, ils arrivent pas à savoir deux jours après. Alors ouais. Fin mars. Suspense, l'hiver en hiver. Oui, c'est ça. Wow. Ça non mais ça fait longtemps qu'on n'avait plus d'hiver en hiver, donc forcément on n'est plus habitué. Il y a Warren qui dit le fantasme des femmes, surtout pas avec Toff. c'est faux. Les femmes rêvent de mon corps. Non. Bon, c'est l'animateur radio qui les excitait. Ouais. Tout, ouais. Hein. Ouais, c'est l'animateur radio. Ouais. Angélique, c'était ma carte bleue quand je payais à la fin. Ah bon, tu payes? Bah, il faut bien. Moi, je crois que c'est l'amitié. Minimum 3 verres, sinon il se passe rien. Ah oui, je confirme. Angélique aussi sur le groupe Facebook qui dit Mickaël, est-ce que Roberto pourra réagir à ce sujet sur les fantasmes? Écoute, je sais pas, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas eu, mais bah, s'il passe pas, on essaiera d'avoir un téléphone en tout cas. Oui, c'est carnaval au Brésil, c'est vrai que. Bon, on essaiera de la voir, on verra. Je sais pas où il est. Il doit être avec des plumes dans le cul, là, c'est pas possible. Ouais. Bon, et message qui est arrivé, Lauriane qui dit moi, mon fantasme, je le réalise de temps en temps, les inconnus. Bon, bah écoute. Écoute, Lauriane, donc je sortirai 22 rue Boileau. Lauriane, il s'appelle Toff, il est animateur radio. Voilà. Je t'ai niqué un plan, là. Voilà, c'est ça. Il a un grand nez avec une barbe et une moustache d'anglais. Oui. The British. Ouais. The British. C'est mon petit côté anglais que je cultive. C'est pudding. Oui, pudding. Bon, on va faire notre concours. Ah bah attends, il faut faire. Il fait bien ton bruitage. Ouais, je sais, mais c'était mon stylo sur la table. Nous parlions de Moundir tout à l'heure et je vous avais demandé, les filles, de vous inscrire pour jouer au gentleman séducteur. Enfin, en gros, pour draguer le gentleman séducteur. Le séducteur, exactement. L'aventurier de la FM. Eh oui, l'aventurier, effectivement. Et donc, nous avons Jérémy, Ashley, Elisabeth, bonsoir. Allô, bonsoir. Ça va bien? Ben, bien sûr, hein, ça va. Oui, tant mieux. Elisabeth, 18 ans. Ah, toi, t'es en mode cochon, toi. Ouais, toi, t'es en mode. Je veux de la bite. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton fantasme, Elisabeth? Ben, moi, ce qu'il y a, c'est que j'adore la mer et tout. Je crois que t'allais dire j'adore la merde. J'adore les saisons. Et dans chaque saison, c'est-à-dire, on peut vraiment mais fantasmer et tout, c'est-à-dire, hein. Là, en hiver, là, pour l'instant, là, chez moi, j'ai mis des ultraviolets, tout, je suis en train de me faire bronzer. Avec des lents. Et c'est ton fantasme, ça? Parce que tu dis, ouais, dans toutes les saisons, machin, et j'aime bien. Moi, ce que c'est que j'aime bien me faire masser. D'accord. Toi, t'es chelou. Et puis, j'adore masser. Ouais, d'accord, très chaud. Bien. Mais je comprends pas ce que tu dis, dans toutes les saisons, il y a des trucs c'est-à-dire, qui me font kiffer, mais. Donc, non, mais. C'est-à-dire, en hiver, de toute façon, on peut faire l'amour. Oui, non, mais. Elle croit que c'est toi qui l'as chauffé, je crois. C'est-à-dire, moi, c'est. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire. Ah, c'est bon! Ça va! Hein? Elisabeth, si t'aimes bien l'hiver, pourquoi tu mets des lampes ultraviolets à l'intérieur? Parce que c'est pour me faire bronzer. Mais alors, tu fais quoi en hiver? Tu fais du ski? Non, en été, pardon, tu fais du ski? Non. En été, tu bronzes aussi? Bien sûr. Donc, tu bronzes j'adore tout le temps. Bronzer, ouais. D'accord, ok, très bien. Pas dans chaque saison qu'il y a un truc à faire. Ouais. Parfait, tout oui, donc en l'occurrence, non. Bronzer, parce que les... Eh, t'as pris mon gomme, ça te rend ça, Vas-y, on fait autre chose. Elisabeth. Ouais, et en plus de ça, c'est qu'un petit gomme, je suis sûre. Elisabeth, ouais. Reste là deux minutes, s'il te plaît. Je pense que tu as gardé la bite du dernier en bouche. Nous allons prendre Ashley, qui est là maintenant, 19 ans de Strasbourg. Allô, Ashley. Une seconde, parce allô. Que c'est quand même que je mette les gens en condition. Elisabeth, combien mesures-tu? Oh. Elisabeth. 1m60. Combien tu pèses? 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? J'en sais rien. Mais ouais. Non, j'ai de la poitrine quand même. Mais tu mets des soutiens-gorge, ils font quelle taille? Bien sûr. Bah, ils font quelle taille? 90. Et la lettre? Hein? La lettre? Ah. Ah oui. Ouais, je suis dessin, ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Mais non, j'ai. Tu mets pas de pantalon. Bon, la taille de la dernière jupe que t'as acheté. 42. Et quel est ton taux d'alcoolémie? Voilà. Je vois pas. Consommes-tu des drogues? Bon, non, Elisabeth, pire. Elisabeth, ouais. Reste là. Ashley qui est là également. Salut Ashley. Salut. Ça va bien? Salut. Ça va bien. Bon, quel est ton fantasme, Ashley? Oh, j'aime bien me balader en forêt. Eh, t'as pas demandé ton hobby? Je sais pas. Je sais pas qui va être le plus chépère entre les deux candidats et l'aventurière. Parfait, mais balader en forêt pour... Pour ramasser des châtaignes. Non, pour ramasser tout court. Ah oui, oui. D'accord, ok. Non, pas de balader, où est-ce que tu veux... Voilà. C'est quoi le fantasme? Où est-ce que tu veux prendre une bite? Ton voilà. Fantasme sexuel. Mon fantasme sexuel? Ouais. Prendre, si possible, une grosse bite, moi je suis en fait. D'accord, ok, très bien. Une bite devant et après de la mettre derrière. Oh très bien, écoute, pourquoi pas, il n'y a pas ça de problème. Bon. Karine qui dit c'est quoi si fille sur le groupe Facebook. Maxime qui dit Elisabeth, elle est charrette. D'accord, ok. Elle est carpette aussi. Et Léonie qui dit le faire avec une branche d'arbre. C'est ça en fait son concept à elle. Oui, peut-être, effectivement, oui. Bon, il faut que je mette en condition, combien Karine, mesures-tu alors. Allô Ashley? Oui, Ashley, combien mesures-tu? Je mesure 1m80. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Sensé. Pardon? Sensé. Non, c'est pas possible. 1m80, 55 kilos et sensé? Oui, oui. Ah ouais, c'est censé faire plaisir aussi. Et, j'aimerais, bien, et j'aimerais bien devenir gogo danseuse. Oui, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ah, mais moi je mets pas de pantalon, je mets des jupes. Bon, et quelle taille? 34. 34. Et juste, tes seins, c'est pas les tiens en fait, c'est. Un arbre. On te les a mis. C'est ça, faire les seins. Ah oui, ah, je ah, d'accord, ok. Cela. D'accord. Bon, Ashley et Elisabeth, restez là, je vais vous présenter dans un instant le gentleman. Oh, s'il a écouté mon rassuration, il n'y a pas photo. Hein. Le séducteur. Il n'y avait pas trois candidats? Deux. Non, il y a deux. Non, c'est mixte ce soir. Bah non. Si. Bah il est où mon séducteur alors? Il est là? Non. Si, ah, sur le séducteur, il est là. C'est ça, tu as l'aventurier et les deux candidates. Oui, c'est ça. Ah, il voilà. Y a deux candidates. Voilà, c'est ça, deux candidates et le séducteur. Enfin, c'est pas possible, il me fait des signes. Non, c'est ça, oui. Non, c'est moi qui ai rien compris, oui. Ah, bon, ben d'accord. Oui, je mets sur moi. Hein. Donc, je suis en train de te mettre, là. Hein. Donc, c'est pas toi qui les as sélectionnés, ceux qui viennent de passer. Ouais. Bon, Ashley, Elisabeth, restez là, je vous présente le séducteur dans un instant, d'accord? D'accord. Restez là, les filles, et puis vous verrez, vous rencontrerez le miracle de l'amour. Hein. Exactement, le séducteur. Le temps d'écouter Lily Allen maintenant. C'est dommage, j'aurais pu une fuck you, mais c'est 22. Le son de Lily Allen, 22, sur Énergie. Et dans un instant, le gentleman séducteur de ce soir que je vais vous présenter, que je présenterai à Ashley et à Elisabeth, puisque nous faisons un peu notre grand séducteur ce soir, notre grand jeu de la séduction. Nous, on va jouer en audio. Qui est le plus cassos? Ouais. On verra ça. Mais avant cela, on va reparler de Moundir, puisque c'est lui qui nous a donné toute cette idée, évidemment. On a entendu tout à l'heure qu'il avait du mal à parler anglais, qu'il avait Amal qui était un peu vénère. Qui était un peu vénère et qui voulait noyer tout le monde. Amal, on l'avait reçu, mais je sais plus pourquoi. Parce qu'il donnait des cours de striptease. Ah oui, c'est ça, exactement. Et donc maintenant, petit cours d'histoire avec Moundir. Quand Cinda arrive, là, il y a une forme de 14 juillet qui monte en moi. Une forme de prise de la Bastille. J'ai l'impression de me vivre... ce débarquement. Ce débarquement. Qui a mélangé toutes les histoires, toute l'histoire de France. Bien. En fait, tu voulais dire que quand la candidate arrivait, elle bandait, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, voilà. Ouais, parce que je sais pas pourquoi il utilise autant de. C'est métaphore. C'est plus sympa. En même temps, s'il le fait avec des requins. Ah, mais c'est marrant, j'ai une ça prise va, de la Bastille en moi. Bon, et Moundir, donc, qui est célèbre pour ses coups de gueule, mais il a des expressions bien à lui, hein, souvenez-vous. Quand je suis dans la cage, je suis carrément paniqué. J'ai les jamb qui tremblent, je transpire du genou, j'ai jamais transpiré du genou. Je transpire du genou. Comment est-ce qu'on transpire du genou? Je sais pas, mais à votre avis, comment est-ce qu'il peut faire ça aussi, si tu veux dire? Merci d'être venu à vous, les filles. Je suis très touché, honnêtement, de votre venue à Miami. Je suis assez ému même si je ne le montre pas vis-à-vis de mes yeux. Oui, je comprends par respect pour mes yeux, je ne pleure pas. Je ne veux pas montrer à mes yeux voilà. Que je suis ému. Mais bon, heureusement, le but de l'émission est quand même de trouver l'amour et Moundir est un fin séducteur. Hein. Quand je vois avancer Charlène, je vois une petite étudiante toute joyeuse avec un sourire à faire éclater un petit arc-en-ciel. il y a des petits arcs-en-ciel, il y a des grands arcs-en-ciel. Mais surtout, tu les fais pas un arc-en-ciel. Ah, non, c'est je sais pas comment ils s'éclatent. Ouais, je sais pas, mais bon, sinon il y a. C'est les cubes qui t'éclatent normalement. Si, oui. Oh. Sinon, il y a ça également qui procure ça. Ah, merci. Ça va, la fin. La fille, la tuerie. C'est-à-dire que. Bah, c'est Inès, quoi. Tu vois, à ce moment-là, j'aurais aimé partager une barre de chocolat avec elle, quoi. Tu vois. Voilà. Moi, j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est drôle ce qu'il dit. C'est ouais. marrant. Ouais, bon, parce que toi, un mec qui te propose de partager une barre de chocolat, direct, c'est bon, il peut te servir. Ah oui. Ah, bah, bien sûr. Surtout s'il la paye. Et ah, la, oui. la prod a pas fait exprès de mettre la. C'est pas une musique Côte d'Or qu'il y a derrière? Ah, je sais pas. Comment ça va, Inès? Ah, oui, merci. Ça va, la fin? Non, c'est Charlie la fille de la tuerie. Ah, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que. Bah, c'est Inès, quoi. Tu vois, à ce moment-là, j'aurais aimé partager une barre de chocolat avec elle. Voilà, donc, Moundir, le grand séducteur. Le grand séducteur qui reviendra très très vite, de toute façon, puisqu'on a encore, on aura encore notre son dans un mois, un petit dernier, là, que je vous ai mis pour la fin. Cécile, tu veux bien approcher, s'il te plaît? Casse-moi. Ça me fait plaisir de te revoir, déjà. Ne te pose ni de questions, ni de réponses. Sois plus tranquille et te profite. Ni de questions, ni de réponses. Pas de réponse. Voilà. C'est ne te pose ni de questions, ni de réponses. Ah, il a dit ça ou je te pose? Ne te pose. Cécile, tu veux bien approcher, s'il te plaît? Ça me fait plaisir de te revoir, déjà. Ne te pose ni de questions, ni de réponses. Sois juste tranquille et te profite. Je me pose une réponse. Bon, donc voilà, Moundir que nous serons ravis de récupérer très très vite, évidemment. Bon, et comme on parlait de Moundir, le gentleman séducteur. Ah, le vrai. Et qui alors, est-ce? Mais justement... Est-ce tu l'as donné comme ça tout à l'heure. Là. Est-ce que je le... Ouais, vite fait, mais bon, après, il a fallu se souvenir du nom et tout, c'est pour ça que je l'ai vite enlevé avant d'avoir fait la bêtise. Est-ce que je vous le donne maintenant? Ashley, Elisabeth, je vous le propose maintenant ou pas? Oui, mais moi j'ai hâte. Hein. Bon, qu'est-ce que vous imaginez comme homme? C'est quoi votre idéal masculin? Ben fort, musclé, des yeux bleus. Des yeux bleus. C'est-à-dire bleu. Ah bleu. Bleu. Ouais. Très bien. Avec la peau qui pique un peu, c'est-à-dire pas trop rasé. Hein. Avec quoi? Pas trop rasé. La peau qui pique. Ah, la peau qui pique. Alors mal rasé. Non, pas mal rasé, c'est-à-dire. La peau qui pique. Merde. Non, qui pique. Qu'avec des boutons. La peau qui pique, pour moi, c'est quelqu'un qui est mal rasé. Mais non, c'est pas mal rasé. Qu'avec de l'acné. C'est quoi? Mais non. Je veux qu'il ait la peau abrasive. Mais un acupuncteur? Non, mais c'est avec une petite pousse, quoi. Ah, un mec qui a des stars, alors. Non. Bah, avec une petite pousse de barbe. Un beau balèze, c'est-à-dire un musclé, c'est-à-dire. C'est parfait, on l'a compris, Elisabeth. Un gros mal à la barbe. Et la peau qui pique, j'ai pas compris. Non, c'est comme moi, un peu mal rasé, quoi, je pense. Non, elle a dit pas mal rasé. Non, un peu. Non, elle a dit non. Pas rasé de près. Bon, un mal à barbe. Ouais, voilà. Un mal à barbe. Bon, et toi, Ashley, c'est quoi ton idéal masculin? Il a une belle bite. Très bien, Ashley. Eh bien, ce que je propose, c'est que c'est nous vrai, fassions. Mais attends, il y en a des belles et il y en a des moches, c'est vrai. Ah oui, bah bien sûr. Toff va récupérer ton numéro. Elle est grosse, moi. Il faut qu'elle soit grosse, Ashley. Elle est grosse, d'accord. T'inquiète pas, Ashley, je repasse au standard. C'est après. Ça, ouais. Ashley, reste là, Elisabeth, reste là. Je propose que vous attendiez encore un petit peu. Hein. Au plus vous attendez, au plus vous serez chaud, de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire. Moi, je vois un mec, c'est-à-dire quelqu'un qui. T'es en chien, toi. C'est-à-dire un beau, c'est-à-dire au moins, qui fait bien, c'est-à-dire goulou. Vous avez entendu? C'est parfait. Ah. Et puis, sans capote. Sans prévôt. Mais non, Elisabeth, t'es bête ou quoi? Pourquoi tu veux faire ça sans capote? Idiote. On en reparle après, fais attention. Les Black Eyed Peas, Rock That Body sur Énergie, on est là entre 21h et minuit comme tous les soirs, et Dylan sur le groupe Facebook sur amical.fm dans la communauté qui dit: Sandro, ton fantasme c'est moi, vu que j'ai la couleur Nutella, t'as juste à me rouler dans une crêpe et je suis à toi. C'est bien voilà. Dit ça. Ouais, c'est bien. Y'a qu'à faire. Hein. Ça me plaît. Ah, un moment Nutella. Dylan. Là, c'est une affaire qui roule. Gagner des points là. T'as gagné des points là, surtout avec les Nutella. Avoir une grosse banane aussi. Ah ouais. Alexandre qui dit putain. Banane coco Nutella, c'est ça. Et deux grosses noix de coco en dessous. Ouais, ouais. Franchement, le ridicule devrait tuer par rapport à Elisabeth. Mais non. Attends, c'est quoi? Moi, mon numéro 1, le faire avec Mickaël et Cash. Non, c'est pas possible, Nico. Hein. Pourquoi pas? Ça fait une belle double peinée. Hein. Et, et Denis qui dit elles sont en phase terminale d'imbécilité. Et puis, dit la scène. On est là pour rigoler, arrêtez. C'est mauvais, mauvais, mauvais. L'alcool, bien sûr, évidemment. Et Rémi qui dit Michi a encore trouvé des perles. Ah, bon, ah oui. Ashley, Elisabeth. Oui. On reparlera des fantômes tout à l'heure, restez là. Et surtout aussi de mes trouvailles sur les forums. Hein, je suis déçu, on n'en a pas encore parlé. Ça va venir. Bon, Elisabeth, Ashley, je vous présente maintenant. Attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il va être chiant, lui, je sens. Non, mais ce qui aurait été bien, c'est de leur présenter donc le séducteur une par une. Pour avoir deux fois l'effet de surprise. Mais si elles écoutent la radio et tout, ça va tout niquer. Ah ouais, Ashley, t'as la radio derrière toi ou pas? Non, pas du tout. Parfait, je te renvoie chez Micha. Micha? Reprends Ashley pour qu'elle n'écoute pas ce qui se passe à l'antenne. Comme ça, on fait les deux trucs d'un coup, ok? Parle-lui. Hop, je te la rends. Voilà, tu lui parles, tu dis, tu essaies de la draguer. En plus, elle a du sensé, mec. Hein, vas-y, 1m80, c'est parfait pour toi. Ah. 1m80, sensé. C'est juste ton kiff, Michel. Demande les photos. Bon, Elisabeth? Oui. Je suis là. Oui, j'ai compris. J'ai fini de laisser la boulette. Je te présente le séducteur. Oui. Il s'appelle Jérémy. Allô? Jérémy. Allô? Allô? Oui, c'est Elisabeth, là. Enfin, Lilou. C'est moi, c'est Jérémy. Dis-le oui, Michael. Parce que. Jérémy! Non! Jérémy! Jérémy! T'es avec là, t'es avec Lilou. Hein. Il est au bout du monde. Jérémy! Jérémy! Oh là là! Jérémy! Sors des toilettes, Jérémy! Parle dans ton téléphone, enlève le kit ma libre et tout le bordel! Celui-là. Et sors des toilettes! Non, parce que j'ai une gastro depuis 3 ans. Ah merde, oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est pas vrai. Et que le docteur, il a dit hier que je dois encore rester au moins quelques temps dans la maison pour... Non, mais c'est mieux. Bon, Jérémy, tu es notre séducteur a donc une gastro. Ouais, bah ça arrive au même moyen. Jérémy, écoute-moi. C'est dur, avec ça va être dur. Tu sais, moi, vraiment, mais... Ah, attendez. Jérémy, Elisabeth, stop. Jérémy, tu es donc le séducteur. Elisabeth, tu es la séductrice. Ouais. Ok. Tu as 30 secondes pour prouver à Jérémy que c'est toi qui vaut beaucoup mieux qu'Ashley, ok? Oui. 3, 2, 1, top! Tu sais, regarde Jérémy, hein. Moi je t'aime et tout, tu sais, moi vraiment je suis quitte à te sauver la vie, à te masser et tout, hein. À te faire vraiment des bons massages et tout, et faire des goulou plein la journée et tout, quoi. Je t'assure que je t'adore et tout, hein. Hein. Moi j'ai mon cœur qui colle, hein. Il bat 100 000 à l'heure, là, je suis sûre que Jérémy. La question que Jérémy posait pendant 30 secondes, c'est comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles au fait? Elle s'appelle Elisabeth, hein. Elisabeth, parce que tu sais, moi, j'ai pas eu beaucoup de copines. Non, mais c'est trop tard, Jérémy. Toi, t'es le séducteur. Toi, t'es la star. Et tu dois pas te... D'ailleurs, je voulais toujours me trouver une copine. Mais c'est ce qu'on fait. Mais jamais j'arrive. Mais là, tu vas choisir, Jérémy. Tu vas choisir entre deux, Elisabeth ou Ashley, ok? Mais c'est des vraies filles. Ben oui. Bon, je t'accorde qu'Elisabeth, c'est un peu bizarre. Bon, on reprend Ashley maintenant. Ashley, c'est pas mieux, je crois. On va voir. Ashley? Oui. Attends une seconde, Jérémy. Jérémy, je t'en supplie, tais-toi. Ashley? Oui. Je te présente Jérémy, le séducteur. Oui. Tu as 30 secondes pour montrer que c'est toi qui es mieux que Elisabeth. C'est parti. C'est un dialogue. Ok. Bah, Jérémy, salut. On dirait Mozart, là, qui parle. Mozart, j'ai mangé ce soir des tomates mozzarella. Ah, bah, c'est bon ça. Moi, je m'appelle Ashley, j'ai 18 ans, je fais 55 kilos, je mesure 1m80. Ouais. Et mon rêve, c'est d'être gogo danseuse, et si tu me choisis, je t'en ferai voir des choux. Moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 18 ans, je suis mécanicien. Je rêve d'être mécanicien, mais pour l'instant, je suis au lycée à Dijon, en terminale S. Top. Ashley reste là. Jérémy. Ouais. Sans nous dire le nom. Ouais. Est-ce qu'il y en a une des deux qui te chauffe plus que l'autre? Ne dis pas la première ou la deuxième ou le nom. Hein. Tu dis juste oui ou non. Juste oui ou non. Mais tu sais, Michel, moi. Oui ou non. Je recommence la question. Jérém, est-ce qu'il y en a une des deux qui t'a un peu plus chauffé l'une que l'autre? Je trouve que celle qui... Oui ou non? Oui, est-ce que oui ou non, il y a une des deux qui t'a plus chauffé? Oui. Parfait. C'est dur. Oh là là. C'est très dur. Je suis épuisée. Ça m'a fatiguée. Ashley, Elisabeth, restez là. Jérém, restez là. Dans un instant, juste après la pub, vous saurez laquelle Jérém a choisi. Ou pas. Ah oui, mais je préfère ça une voiture. Ça va être pour le savoir. Allez, restez là. Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio... Il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Exact, on est de retour comme tous les soirs avec Alexandre qui dit « Sors des chiottes, Jérém ». Oui, c'est bon, on lui a dit, normalement ça devrait bien se passer. On reparle des fantasmes aussi dans, dans quelques instants et puis on va donner la réponse. Bon, on va déjà réécouter l'extrait qu'on cherche. Qu'est-ce, de quoi il parle à votre avis, le gars là? Ouais. Je cache pas qu'au début on a un peu grossi. Oui, ça c'est une réaction normale, mais attention, à l'époque, une fois et demie par jour. Au minimum. Alors on a gagné une pièce, du coup, pas très grande, hein, mais c'est toujours ça. Et alors quand on reçoit des amis, on s'arrange. Ils vont sur le balcon. Bien sûr. Mais ça les gens comprennent très bien. Hein. Et là, tu nous dirais maintenant, allez, viens, on va faire une petite à la limite. Ah, ça me dégoûterait. Ouf. On n'aurait pas de plaisir. Ouais. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand on va chez des gens qui On le sent. Voilà. Et donc, il y a Max qui est là maintenant du 35. Salut, Max. Bah, salut. Comment ça va? Bah, bien, et vous? Bon, bah, ça va bien, ouais. Alors, de quoi ça parle, tout ça, là, avec Jean-Marie Bigard? De caca. Voilà, il y a 3 ans, avec ma femme, on a arrêté de faire caca. Ouais. Je sais pas qu'au début, on a un peu grossi. Oui, ça, c'est une réaction normale, mais attention. À l'époque, on faisait caca une fois et demie par jour. Au minimum. Alors, on a gagné une pièce, du coup... Pas très grande, hein, mais c'est toujours ça. Et alors quand on reçoit des amis qui font encore caca, on s'arrange. Ils vont sur le balcon. Bien sûr. Mais ça, les gens comprennent très bien. Hein. Et là, tu nous dirais maintenant, allez, viens, on va faire une petite crotte, à la limite. Ah, ça me dégoûterait. Ouf. On n'aurait pas de plaisir. Ouais. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand on va chez des gens qui font encore caca... On le sent. Et c'était pourquoi comme c'était une vanne, donc ça c'était une parodie de la pub sur la clope, j'imagine. Pour la clope, oui, bah oui, parce que c'est à la base, tu parles de ça. Bah c'est gagné, Max, bravo à toi. On va t'envoyer des cadeaux, je te renvoie. Cool, hein. Bah avec plaisir, je te renvoie chez Michel au standard, ok? Ok, bah je peux passer une petite dédicace? Vas-y, ouais. Je passe une dédicace à Brendan, Aurore, Guillaume, Anto, Raph, Arthur, Lucien, Guy, Paul et Théo. D'accord, message passé. Salut à toi, okay. Max, à bientôt. Salut, bisous. Ciao, bye. Bon, on va récupérer maintenant Ashley, Elisabeth. Oui. Oui. Jérém a une question à poser à chacune de vous. Une seule. Oui. Jérém, tu veux commencer par Ashley ou par Elisabeth? Allô? Oui, allô, Jérém. Ouais. Tu veux commencer par Ashley ou par Elisabeth? La petite écolière, là, à côté, là. Oh, Elisabeth, je t'en supplie. Il a déjà du mal tout seul, alors bon. Elisabeth. Comment? Elisabeth, parfait. Vas-y, Jérém. Alors, Elisabeth, je voulais... te demander, est-ce que tu aimes les glouglous? Bah, j'adore ça, les glouglous. C'est quoi les glouglous? Glouglous, c'est bonbons. C'est des bonbons que je mange tous les soirs. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pour séduire une nana, tu lui parles de bonbons. Attends, ouais, mais elles sont... Des bonbons, on peut les pousser à deux, c'est-à-dire... La moitié moi et puis la moitié lui. Ah bah t'as trouvé ta meuf, hein, dans ton délire. Elle a fait dans les glouglous aussi. Ah j'adore. Elisabeth. Bon, Jérém, de toute façon t'as posé ta question, laisse tomber, c'est fini. Ashley, tu peux poser une question à Ashley. Communiquer, c'est un grand mot. Ashley, est-ce que tu aimes les bananes split? Mais enfin, mais c'est pas possible, Jérém. Oh oui, j'aime. Ah oui, j'aime. C'est vrai. Non, c'est nous qui sommes des cassos ou c'est... Non, c'est bien là. Non, mais mouillé là tellement qu'il pose cette question là. Et si je te choisis ou je choisis Elisabeth, Elisabeth, je t'emmènerai promener autour de l'église près de Dijon. Les églises, je mouille en plus. Je t'invite à manger un hamburger si tu veux. Un hamburger. Non, salade. salade, Jérémy. Ah oui, régime. Bah oui. Et puis, 1m80, 55 kilos, il ne s'agit pas qu'elle prenne 2 grammes. Hein. Salade verte sans sauce. C'est Elisabeth qui parle de salade. Ah pardon, oui, alors, oui, salade, ouais. Mais et après, goulou-goulou, Jérémy. Après, il faut faire goulou-goulou. Et Léo, sur le groupe Facebook, il dit les goulou-goulou, ah, des bonbons. Vous ne connaissez pas, et vous? Non, il y a les glou-glou, c'est les bonbons. Et faire goulou-goulou, c'est faire l'amour. Oui. Moi, j'écoute Mickaël tous les soirs. Oui. Quelle chance. Tu l'écoutes tous les soirs. Oui, oui, oui, oui, elle écoute. Jérém. Ah, bien sûr que j'écoute. Hein. Jérém, tu choisis laquelle? Moi, je choisis Ashley. Oh non! Oh là là! Il a discuté pendant 3 jours avec l'autre! Et ben c'est pour ça! Mais Ashley, est-ce que tu es fidèle? Ah, je suis très fidèle! Alors là, je suis très très fidèle! Si tu me mets une bite, alors je suis pas là toi après! Bon, c'est parfait! Ouais, Elisabeth, malheureusement! Non, c'est Elisabeth! Elisabeth, je te rends pas stuff, hein, puisque c'est lui qui récupère les perdantes! Oh non! Ah si, oui, je sais, c'est un cadeau de consolation. Il sait pas ce qu'il perd. Il sait pas ce qu'il perd. Mais il sait ce qu'il gagne, je crois. Ouais. Bon, salut Elisabeth. Salut Elisabeth. À bientôt. Jérém et Ashley, je vous mets hors antenne, vous vous débrouillez, hein. D'accord. À bientôt, hein. Oh, oui, salut. Salut, séducteur. Salut, Mickaël. Oh putain. Bah, il a l'air super déçu, hein. Hein. Non, mais c'est lui qui l'a choisi en même temps, hein. Nous, on y est pour rien, hein. Elisabeth. C'est ouf, ce mec est ouf. Il y a un message qui dit putain, vous les avez payés combien? Mais rien, je te jure. Ah non, non, mais là c'est vraiment, c'est du Made in Maïcha. Ah ouais, Made in Maïcha, je vous promets que c'est Made in Maïcha. Oh, Micha, si un jour tu te fais virer, appelle confession intime, t'as une place. Ou si tu pars volontairement, hein, faut aussi appeler confession intime. Je partirai pas volontairement. T'as bien raison. Et Margot qui dit putain, elle va jouir ou quoi? Oui, c'est un peu ça. Hein. Syria qui dit putain, elles sont brûlantes les deux. Sarah qui dit elle est forcément fidèle, personne veut d'elle. Et Bastien qui dit Astrée, est-ce que tu baises? Rapport aux inconnus, j'imagine qu'il l'a écrit de la manière dont je viens de le dire, j'imagine. Bon, eh ben, ravi d'avoir fait un couple. Ah ouais, et quel beau couple! Alors, heureux, je ne sais pas, mais un couple. Bon, ils sont capables de finir ensemble, hein, tu sais. On n'est pas l'abri. Hein. On va reparler des fantasmes maintenant, ça faisait longtemps, avec Bruno qui nous avait appelé tout à l'heure. Puisque sa meuf fait partie des meufs qui aiment bien, qui fantasment de se faire violer. Je rappelle que ce fantasme vient en quatrième position. Et Bruno nous avait dit, bon ben voilà, elle m'en a parlé, je sais pas comment ça va se passer, ni quoi. Donc en gros, il l'a pas encore fait. Mais Audrey... Je sais pas s'il doit lui mettre des tartes dans la tronche quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il hésite. Ouais. Et Audrey qui a 29 ans de Dijon. Salut Audrey. Salut tout le monde, ça va? Salut. Oh merde, Jérém est de Dijon aussi, Audrey. Le séducteur, si tu veux, on peut t'arranger un dos, hein. Pour faire le tour merci, de l'église. Ça ira, c'est gentil. Et manger un hamburger avec des glouglous. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Bon, tu veux qu'on te le présente? On peut te le présenter, hein. Ça ira, merci. C'est bon. Très gentil. Non, mais elle a raison. Maintenant, c'est un homme pris. Oui, c'est ça. Il a demandé s'il était fidèle, mais c'est pas lui, il peut pas la tromper maintenant. Voilà, non, mais c'est vrai. Bon, alors Audrey, toi, au niveau des fantasmes, comment ça se passe? On va écrire, moi j'en ai plusieurs, mais mon kiff ce serait dans l'église. Ah, dans l'église? Ah, non, confesse, hein. Dans une église, ouais. Pourquoi? Pour le côté interdit. Mais tu ferais ça où? Dans le confessionnal? Non, elle a dit non. Non, ah non, pas dans le confesse, non, entre deux pierres. Sur l'autel? Entre deux pierres sur l'autel. Mais c'est glauque. Oui, c'est un peu glauque. C'est glauque, ouais, contre la pierre froide, ouais, ça me ferait kiffer, ouais, totalement. Contre la cire froide? La pierre? La pierre froide. Ah, d'accord. Ouais, franchement, au Vatican, c'est tellement grand, tu te caches dans un coin. Oui, c'est vrai que c'est très grand. Hein. Tu peux essayer par là. Mais genre, mais toi, tu kifferais genre le cimetière? Ouais. Ouais, ça m'étonne. Ouais, ça me dérangerait pas, ouais. Ah non. Écoute, pourquoi pas. Hein. Et te faire, en étant dans le fantasme, bien sûr, hein, le viol. C'est pas un fantasme. Non, pour moi c'est pas un fantasme de viol, c'est un fantasme de soumission. Oui. Et je pense que tout le monde a ce côté un peu dominateur et être dominé. Et c'est pas du viol, c'est gros comme mot, c'est extrême. Quoi. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, mais après c'est parce que c'était mis comme ça dans dans le sondage. Mais ouais, je l'ai dans le sens où j'aimerais, ouais, dans le sens de te faire fouetter. Voilà. Et le fait de le faire au mec ou à la nana avec qui tu es, ouais, bien sûr. Au mec ou à la nana avec qui tu es, c'est-à-dire Que tu... Bah, ça veut dire que j'aime les deux, ça. C'est ah oui, deux, tu aimes les femmes qui aiment les femmes et les hommes qui aiment les femmes aussi. Mais non, non, je pensais que c'était ton fantasme de faire ça à trois, c'est ça. Hein? C'était pour ça que je posais la question. Non, on s'est déjà fait depuis longtemps. Voilà. Voilà. Oui, voilà. On avait bien compris. Ça, dans combien, une... combien mesures-tu? Bah, tu sais que je peux te mentir comme je veux, toi. Donc, à la limite, je peux te dire 1m75. Oui, combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 100D. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Parfait, c'est parfait. Toi aussi, tu veux être gogo danseuse, alors. Ouais. Par contre, moi, je préférerais qu'elle gogo danse sur ma bite. Oh. Bon, très bien. Donc, toi, c'est plutôt l'église. Alors, du coup, ça n'est pas Bruno qui, lui, voulait avoir des conseils par rapport à sa meuf qui voudrait se faire... Enfin, dans son fantasme, bien sûr, qui va se faire violer. Donc, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, toi, d'aller jusqu'où au niveau du fantasme? Bah, qu'il le fasse. Mais bon, comme tu disais tout à l'heure, voilà, si la nana, vraiment, elle n'a pas envie, bon, bah, qu'il stoppe. Mais de ne pas aller dans l'extrême, c'est-à-dire que bah, qu'il la prenne par surprise, mais sans vraiment avoir, tu vois, les cagoules, comme dirait Sandro tout à l'heure, bon, bah, le couteau sous la gorge, etc. Mais elle se baisse pour ramasser un truc et hop, par surprise, il rentre dedans. Bien sûr. Si elle dort, effectivement, tu peux lui relever le bassin et lui foutre les mains dans le dos. Et tu sais, tu lui bloques les mains. Le rapport de force. Ouais. Oui, ça tu peux faire. C'est vrai que tu achètes des petites melottes dans un sex shop et puis voilà. Hein. C'est les trucs. Oui, voilà, exactement. Non, mais même pas. Il faut que tu choisisses toi de ce que vous faites quand et comment. Ça aussi tu peux faire effectivement. Ah, c'est ça qu'elle veut, hein. Ouais, concrètement, je crois que c'est ça. Effectivement, je pense pas qu'elle cherche à prendre des coups dans la gueule. Hein. Non, c'est pas les coups, c'est vraiment comme disait Audrey. Audrey, tu choisis le moment, quand et ce que tu veux faire sexuellement. Ouais, mais c'est du viol. Non, c'est de la soumission. C'est de la soumission, mais je crois que c'est dit viol parce que c'est un peu lourd. Mais... Oui, sans lui en parler, quoi. T'arrives et tu fais le dossier, ouais. Ben, merci beaucoup, Audrey, d'être passée. Pas de soucis. Je te fais des bisous, à bientôt. Vas-y. Je vais me rembrasser Adeline, Sandra, Alain, que j'aime très très fort, Matt également, et j'aimerais dire à Benji que sa femme l'aime très fort également. Voilà. Oh, c'est beau. Dans tout ce que tu as cité, avec combien tu as couché? Tous. En tout? Bah oui. Non, enfin, ce que tu viens de citer, avec combien tu as couché? Non, tu veux dire combien de personnes j'ai couché dans ma vie, c'est ça? Non, dans ceux que tu as cités là. Ah! Aucun. Ah bon, quand même. quand même. Ah bon, bah c'est pas mal. Bon, Audrey, je te fais des gros bisous. On va revenir dans un petit instant avec Bruno, avec les problèmes du forum. Le chéri, je t'ai fait cocu, et Stromae maintenant. Alors on danse sur Énergie. Voilà, Stromae à l'instant avec Alors on danse. Et sur le groupe Facebook, il y a Sarah qui dit, elle a précisé qu'elle avait un problème psychologique, la meuf qui voulait se faire violer. Mais c'est pas ça, parce que c'est le quatrième fantasme le plus souvent cité chez les femmes, enfin, alors, chez les filles. Pour répéter, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, le fantasme du viol chez la femme, ça arrive souvent, et en fait, ils disent que c'est comme si elle refoulait le désir, qu'elle avait honte en fait, comme d'accord. Quand tu te masturbes, elle avait honte et que t'as honte ouais. Donc en gros, c'est quand tes parents étaient un peu stricts ou c'était un peu tabou la sexualité, que c'était un peu honteux et sale. En gros, le mec ne lui laisse pas le choix. Ouais, puisqu'elle assume pas de dire ouais peut-être, enfin je sais pas, tais-toi, je te baise. Voilà, comme ça elle se sent pas coupable. Ouais. D'accord. Bon, bah c'était donc ça l'explication qu'il y avait sur le net en général en tout cas. Mais ça vient en quatrième position dans les fantasmes des filles. Tu l'as ce fantasme-là toi, Sandra? Parler. La soumission, oui, mais le viol, non. Non, le viol, non. J'aime pas le mot. Enfin, c'est vraiment. Ah. Moi, quand je pense au viol, je pense au truc grave, quoi. Oui, bah c'est le concept, effectivement. Bon, on va parler de la ferme maintenant avec Larousse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la ferme célébrité? Alors, il s'est passé quelques trucs à Zoumana Camara, là. En Afrique du Sud, quoi. Alors, ouais, apparemment, Surya Bonali qui kifferait le ranger, là, Olivier. Oh, j'avais oublié qu'elle était là, tiens. Ouais, bah, ça je crois que tout le monde a oublié. On n'entend jamais. Il y en a plus, tellement qui servent à rien. C'est bien parce qu'elle prend son oseille. Elle bouge pas trop. Exactement. Donc sur la Bonali, je sais pas, peut-être qu'elle voulait pas trop que ça se sache. En tout cas, elle est en kiff sur le ranger Olivier. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah il est charmant. Hein. Mais heureusement, Adeline a balancé, donc trop tard. Ma chance. Et en plus, elle a pas balancé à n'importe qui, puisqu'elle a dit à Olivier le ranger. Ah bah, oh là. Et Souria, elle part pas à la plage. Je préfère passer la journée avec toi. Ok. Bon, c'est gentil, mais la plage, c'est plus intéressant pour moi. Je suis pas sûre. En tous les cas, certainement pas pour elle. Elle voulait pas que ça se sache, Sandra. Je sais pas. Elle m'a dit dans l'oreille qu'elle était en kiff sur toi. Bah, ça dépend, peut-être que ça. Peut-être que ça a été fomenté. Ouais. Peut-être. Mais si le coup avait été préparé, tu l'aurais vu. Tu t'aurais vu Surya qui dit à Adeline, ouais, faut que tu dises au ranger que j'aime bien. Faire passer Adeline pour une vraie garce. Hein. C'est possible. Ah, c'est possible. Si c'est pas le cas, c'est vraiment une gamine. Bon, en tout cas, lui, il a l'air de s'en branler. Mais cette histoire d'amour n'a évidemment rien à voir. avec celle entre David Charvet et Michael Vendetta. Ah ouais. Tu sais bien que tu vas qu'on va être viré vendredi. C'est ah tu sais très bien, David, tu peux pas me dire c'est bon, il n'y a pas toi, ou l'image. Si on ne me vire pas, je te mets la misère. Je te mets la misère pendant tout le reste de ton temps. Attends. Ah bah si, tu vas voir. On va voir. C'est le truc de gamin quoi. Ah, tu vas voir. Eh ben, tu vas voir. Eh ben, tu vas voir. Tu vas voir. Vendetta, il va rester. Il va aller pourrir mais jusqu'à la fin. Et l'embrouille, elle continue même juste. Alors que Vendetta, il veut juste aller se laver les dents. Tu dois t'inviter. Bah c'est Francky qui m'a invité. Non, c'est trois personnes qui veulent pas que tu sois là. Alors tu vas là-bas et tu sors. Je me brosse les dents. Non, tu ne brosses pas les dents. T'as compris? Tu sors. Ouais, Francky directement. C'est quand il y a trois chefs qui décident. Moi je crois que c'est quand, tu vois. C'est trois. Vas-y. Hypocrite. Loser. Ouais, s'ils n'arrivent pas de se chauffer entre eux. Ah, ça va monter. Mais tout ça nous fait oublier que depuis la semaine dernière, David Chervet ne nous a pas donné le cours de français. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça qu'est-ce qu'il veut. Oui. Voici la première leçon de la semaine. Attention, c'est du 2 en 1. Je peux vous dire que je hâte de faire cette activité cet après-midi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait déjà dans ma vie. Et de laisser des animaux partir de la ferme en plein sauvage, ça va être assez incroyable. On va voir les réactions des animaux. Il y a je hâte et en plein sauvage. Moi, j'aime c'est bien. N'importe quoi. Tu es déjà allé en plein sauvage, Rouge? Non, jamais. Je hâte. Et deuxième leçon de la semaine de David Chervet, c'est des mettre des queues et des quilles partout là où il n'y en a pas besoin. Mmh. Écoutez, parce que là, il va bien galérer pour faire toute sa phrase. Et on a décidé, avant qu'on vous dise qui c'est le plus mauvais fermier, c'est que cette personne-là devait faire quelque chose tout seul. Et qu'est-ce qu'on vous propose? C'est que la personne qui va être choisie ce soir, que nous, on n'a pas de problème de donner un coup de main. Ouais, bravo. En fait, vous avez rien compris. Il parle en texto, c'est tout. C'est pour économiser du temps. Bah oui. Le pire, c'est sa première phrase. Et on a décidé, avant qu'on vous dise qui c'est le plus mauvais fermier, c'est que cette personne-là devait faire quelque chose tout seul. Et qu'est-ce qu'on vous propose? C'est que la personne qui va être choisie ce soir, que nous, on n'a pas de problème de donner un coup de main. Et oui, quatre queues dans la même phrase, c'est pas mal. Chico, n'a pas le problème. En fait, donne un coup de main. Il dit que quoi qu'il arrive, il va aider le pire fermier de la semaine et Greg et David, ils vont l'aider à faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'ils sont gentils quand même. Ah, c'est un peu le Vanessa Secret Story. Ouais, c'est ça. Bon, on va revenir dans quelques instants avec le problème du forum du jour qui arrive et puis le chéri je t'ai fait cocu qui arrive dans quelques instants, le temps d'écouter Haven't Met You Yet, c'est Michael Bublé. Michael Bublé à l'instant avec Haven't Met You Yet. Et puis, dans un instant, nous ferons le Mac du jour. On aura aussi le chéri, je t'ai fait cocu, que nous allons faire avec Jérém, qui est déjà là maintenant. Jérém, 22 ans, comment ça va, Jérém? Comment? Parfait, Jérém. Allô? Jérém, tu m'entends? Oui. Oui, allô? Bon, je disais, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va, toi? Allô? Ça va. Très bien, nous allons faire le chéri, je t'ai fait cocu dans un instant. D'accord. Bon. Avant ça, le problème du forum. Enfin, c'est pas le problème du forum, c'est une petite question que j'ai vue, vous savez, depuis lundi, je suis tombé par hasard ce week-end sur des forums en regardant n'importe quoi sur Internet. Et j'ai trouvé des questions tellement improbables, tellement tournées d'une manière bizarre que je me suis dit, putain, il faut que je les lise. Et depuis lundi, on les lit, ça nous fait marrer. Et puis, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Donc, Jérém, comme t'es là, on va en profiter. Ouais. Petite question que j'ai trouvée sur un forum. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Déjà le mec est poli, hein, ou la meuf est polie. Ah, c'est une meuf, pardon. C'est une chose à laquelle je pense depuis un paquet de temps, tout en me disant que jamais je ne le ferai, que ça restera un fantasme. Mais maintenant, j'ai envie quotidiennement. Je crois que j'aimerais beaucoup me retrouver la tête entre les fesses d'un mec, à lui lécher l'arrêt, enfiler ma langue dans son trou du cul. Je lis texto, hein, c'était sur les forums. Je sais que ça en excite pas mal et ça fait une bonne raison de plus d'essayer dans toutes les sortes de positions. Parmi les filles qui viendront sur ce sujet, j'aimerais savoir pour celles qui pratiquent comment vous vous y prenez, mais surtout ce que vous ressentez précisément, odeur, goût, sentiment d'excitation ou pas, position, si vous arrivez vraiment à mettre la langue dedans ou si ce n'est qu'une façon de parler. Bref, tous les détails techniques et autres que vous voudrez bien partager. Et les mecs, lâchez-vous aussi, dites-moi pourquoi et comment vous aimez. Et si vous léchez ainsi l'entrefesse... Ah oui, et si vous léchez ainsi l'entrefesse, implique forcément un doigtage ou pas. Ce que je dois dire m'attire un petit peu, etc. T'as eu un avis? On le écoute, moi je l'ai déjà fait. Moi je trouve pas ça hyper dégueu, mais je le fais pas en fin de journée, quoi. Tu vois, c'est plus en sortant de la douche. Quelle horreur! Non, mais si, en sortant de la douche, moi je trouve ça bien. Enfin même, tu mets ta langue. Mais les meufs elles kiffent. Hein. Oh. Ah bon? Mais oui. Mais toi, est-ce que tu kiffes? Hein, de quoi? Me faire lécher la rondelle? Ouais. Ouais, moi j'adore. Oh. Non mais vraiment, t'es en fait le truc qui est super excitant, c'est quand elle descend après t'avoir mordillé les couilles un peu, c'est d'aller vers l'anus. Et franchement, moi, c'est super excitant. Et l'endroit où c'est le plus excitant et où t'as le plus de sensations, c'est justement entre les couilles et l'anus, quoi. Et très bien. Et toi, Jérém? Et alors, si elle peut finir par un petit go dans le cul, alors là. Non. Et toi, Jérém? Bonne question. Ah ben, tu sais quand même me dire si t'as déjà essayé ou t'as rien écouté de ce que je dis. Attends. Si. Ah bon. Non, j'ai jamais essayé, ça me tente pas plus que ça. D'accord, ok, non mais écoute, bah pourquoi mais pas. Hein. Ouais. Jack, peut-être. Ah non, sans façon. Non. Sans façon. Il y a Camille sur le groupe Facebook qui dit: quel débat, c'est très connu ce milieu. Hein. I'm shocking. Oui, c'est ce milieu-là, oui, qui est très connu. Oui, ce milieu-là, effectivement. Oui. Sarah sur le groupe Facebook qui dit: Toff, tu devrais écrire un livre. Putain, Toff, ça dégoûte ce que tu viens de dire. T'es dégueulasse, Toff, c'est Alexandre. Toff, tu me dégoûtes, c'est Lorenzo. Et c'est des mecs qui parlent, hein. Mais il y a plein de mecs qui kiffent ça. Arrêtez de faire les choquer. Marion qui dit: merci pour les détails. Denis qui dit: c'est Monsieur X qui a écrit ça. Oh non, mais il aurait pu. Hein. Toff, tu me dégoûtes, c'est Léo qui avait envoyé le message. Eh ouais, dis donc. Hein. Bon, eh ben voilà, très bien. On parlera de ça tout à l'heure. Si vous avez votre avis à donner, les filles, les mecs, ça donnera peut-être un conseil à la meuf qui avait écrit ça, même si elle n'écoute peut-être pas l'émission. Mais en tout cas, ça donnera des avis aux autres. Bon, Jérém, on va faire le chéri, je t'ai fait cocu maintenant. On va donc appeler ta meuf. Ok. Parfait, comment s'appelle-t-elle? Cindy. Et comment ça va se passer avec Cindy? Tu vas lui raconter quoi? Bah, vu que je fais de la muscu, je veux dire qu'il y a une vieille coach qui est très séduisante, qui m'a séduit. Alors j'espère qu'elle va pas me poser des questions sur les muscles et tout. Oh là là. Sinon on est mal. Ah oui, là on va être mal. Tu veux pas dire que je suis une prof de dessin plutôt? Non, à la limite peut-être que c'est une meuf que t'as rencontrée à la salle de sport. Une cliente, quoi. Ouais. Une meuf qui fait du sport comme toi. Ouais, pas très assidue, mais qui va de temps en temps, quoi. Ouais, voilà, tu sais, qui fait un petit régime éternel, quoi. Ouais, voilà, bon, vraiment, ouais. On fera ça, parfait. Bon, parfait, donc on est chez elle. Comment elle s'appelle? Il y a une meuf, il y a un nom qu'elle déteste, ta copine? Célia. Parfait, son gros s'appelle Célia. On y va, on l'appelle. Au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec la Xbox 360 Elite. On est chez moi ce soir, vous habitez ensemble, vous deux, ou pas? En fait, je suis pas déclaré avec, mais oui, on habite ensemble. D'accord, donc il y a des affaires à elle chez toi. Voilà, on va dire ça comme ça. Sinon, tout appartient, les meubles, tout ça, c'est à toi? Non. Qu'est-ce qu'il y a à elle? Ben en fait, donc chez elle, il y a tout qu'à elle. Et chez moi, il y a. Moi, chez elle, il y a des vêtements à moi, il y a. Ah oui, donc vous habitez pas, hein, d'accord. D'accord, ouais, mais t'es pas déclaré chez elle, en fait. Ouais, mais voilà. C'est chez toi. Ouais. Attends, mais il y a un truc chez j'ai rien compris. À elle, ouais, chez toi, auquel elle tient beaucoup? La machine à laver, elle est à qui, par exemple? Ah ben en fait, c'est que chez moi-même, donc j'en ai pas. J'ai un lave-vaisselle qui appartient à elle. Parfait, lave-vaisselle. Hop, voilà. Ouais, là-dessus. On y va, on l'appelle, Jérém. J'ai ton numéro de sécu sociale pour faire ce jeu. Et quand Sandro va te parler, n'hésite pas à lui répondre, hein, puisque vous êtes censé être dans la même pièce. Ouais. Allez, on y va. Okay. C'est parti. Et si elle pleure, c'est perdu. Allô? Donc, comment, Kaya, ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va, tu fais quoi? Rien, je regarde la télé. D'accord. Donc, tu sais, l'autre coup, ils avaient annulé ma mission à cause de la neige. Oui. Donc, ce soir, je suis pas au boulot. Ils ont annulé ma mission aussi, je t'ai menti là-dessus. Donc, je suis parti chez une personne que j'ai rencontrée en salle. Et puis, l'autre jour, c'était pareil, je suis parti... chez elle, et je t'ai fait cocu avec, quoi. Dans le 25 à Blusson. C'est une plaisanterie. Non, c'est vrai. D'accord. T'es au courant quand même qu'on va avoir un enfant et tout, quoi. Oh, c'est chaud. Oui, je sais. Oh non, moi j'ai peur. D'accord. Oh là là. Oh non. C'est glauque. D'accord. Oh là là, ben on va l'arrêter là, le pauvre. Attends. Ouais. Bah, là, je suis stressée, elle peut faire une fausse couche, les gars. Hein. Et donc, je compte pas rentrer ce soir. Quoi. D'accord. Ben. Ok. Pourquoi tu me dis ça maintenant, à cette heure-ci, quoi? Ouais, ça arrive. Bah, parce que j'étais chez elle et puis elle voulait que je la mette au courant, donc. Jérém. Oui. Je suis obligé d'arrêter là. Elle est enceinte. On fait pas ça quand elle est enceinte. Ah. Bah oui, Jérém, enfin. Ah. Allô, c'est Cindy? Oui. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Bon, à la base, ça aurait dû être drôle, mais t'es enceinte de combien de temps? 13 semaines. 13 semaines, ça nous fait 3 mois. Ah. 3 mois et une semaine, d'accord, ok, très bien. Non, c'était le chéri, je t'ai fait cocu, bon, c'était un jeu, mais évidemment, il ne nous avait pas prévenu que t'étais enceinte. D'accord. Ça nous embêterait, ça nous embêterait que tu nous fasses une fausse couche. Ok. Ah bah oui, mais enfin bon. Ah oui, mais enfin bon. On a une conscience, ça nous arrive. On a une conscience. Franchement, après avoir parlé de... D'ailleurs, Cindy, on en parlait tout à l'heure, là, juste avant de faire le jeu. Bon, comme on a dû avorter le jeu, sans envie d'un jeu de mots. Ah, c'était vilain. Si, si. Bah quoi? C'était un vilain jeu de mots. Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que, donc, comme on en parlait sur un forum, là. Cindy? Oui. De faire un annulingus à Jérém? Non. Ah. Et tu compterais le faire un jour ou non? Non. Non, mais Jérém, il veut. Ou dans l'autre sens, hein. Non, ou lui à toi, hein. Tu voudrais Jérém, toi? Non, oui. Non, ça ira. Ah non, d'accord, ok. Bon, bah alors très bien, écoutez, parfait. Hein. Bon, bah je pense qu'on a fait le meilleur chéri cocu du monde. Oui, soyez heureux avec l'enfant. C'est parfait. Comment vous allez l'appeler? Mickaël, c'est parfait. Bonne soirée, vous deux. Merci, vraiment. À bientôt, bye bye. Bon, eh bah, et c'est pas grave, hein, on peut pas réussir à tous les coups non plus, hein. Mais heureusement, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais quelques réponses, que cette fois-ci j'avais sélectionné quelques réponses à cette grande question, donc bah, elle a pas signé malheureusement, même pas avec un petit pseudo, c'est dommage. La meuf là qui voulait savoir, en gros c'était un fantasme, mais là elle vraiment elle veut le faire. C'est-à-dire, bah, chipoter autour du cul de son mec. Hein, donc, bah, en gros, c'est ça. Hein, oui, je sais pas comment le dire autrement. Ou un mec le faire à sa copine. Hein, ça va oui. Les deux sens. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment le cas chez le mec. Alors, il y a des réponses qui sont arrivées. C'est toujours très drôle, les réponses sur les forums. Ouais. Bonsoir, j'adore faire ça à mon chéri. Quand j'ai envie de le dominer, le plus pratique, c'est lui allongé sur le ventre. Comme ça, j'ai ses fesses à moi. Je les mordis doucement. Puis j'écarte légèrement les fesses. Je commence avec des petits coups de langue. Je tourne autour. Et après, j'insère ma langue dedans en douceur. Évidemment, une douche avant, c'est mieux. Ah bah, en avant même. Hein. Tu dis, c'est mieux. C'est mieux. Parce que, bon, le c'est pas indispensable. Ça. Je pense que c'est obligatoire. C'est pas indispensable. Hein. Bon, ça peut durer un petit moment. Après quoi, j'insère un doigt pour caresser sa prostate. C'est hyper excitant pour lui. Je me sens dominante et un peu salope, limite chienne, aller chez le cul d'un mec, bonne chance. Oui. Et un message qui dit après. Animaux, hein. Et un message qui dit après, c'est sûr, on doit se sentir un peu chienne à faire ça. Et c'est ce que je dois ajouter à l'excitation. Et alors, il y a encore un petit message. Franchement, on me l'a déjà fait, pas particulièrement à ma demande d'ailleurs. C'est assez plaisant d'ailleurs, hein, sans plus non plus. Hein. Mais en revanche, je ne le ferai pas. Ah, voilà un mec, faites-le moi, mais par contre, vous l'avez dans le cul. Ah, encore une village de mots, tiens. Bon, on s'envoie à Junior Caldera, What You Get. On revient dans un instant avec les fantasmes, avec le mag du jour. Et bien avec un petit truc qu'on va faire aussi. Ouais, ça s'appelle le chat roulette. Oui, on va faire c'est énorme. Voilà, rien à voir avec en face, hein, le chat roulette. On vous le fera dans un instant, on vous expliquera. Restez là. Le son de Junior Caldera à l'instant, c'était What You Get sur Énergie et restez bien là. Il y a Gauthier qui dit, c'est des trucs SM que tu nous lis. Bah non, c'est des forums sur la sexualité. C'est appelé comme ça en tout cas, avec des gens qui ont des problèmes. Nous, on lit leurs messages et puis bah, on essaie de bah, pas trouver de solution puisque les mecs nous écoutent pas à la base. Ils ont écrit ça sur je sais pas quel forum. Mais voilà, après nous, on en rigole. Donc le coup du trou du cul, effectivement. Moi, j'ai beaucoup aimé ouais, le bouffage de cul, je l'aime beaucoup. Ah, mais bon. Donc si vous avez pas des conseils, mais si vous avez déjà vécu ça, dites-nous, on va reparler des fantasmes dans un instant avec Angélique, avec Vanessa et puis on essaiera la chat roulette dans quelques instants, restez bien là, je pense qu'on peut se marrer hein. donc ne bougez pas, ça arrivera d'ici 10 petites minutes et là on s'envoie directement le mic du jour. Bienvenue au mic du jour, un tour d'horizon de l'actu condensé, revient notre sauce et on attaque avec ce premier titre dans l'actu. Des salariés de chez Ikea réclament des augmentations de salaire et pour ce faire font pression en occupant les lieux. Ah, mais ils se sont fait le kiff dont on avait parlé la dernière fois, là. Tu sais, de faire un cache-cache dans Ikea. Non, pas exactement. En fait, les salariés ont occupé le siège de Ikea, hein, qui a dû fermer 3 magasins. putain, un siège pour trois magasins de meubles, putain, c'est vraiment la crise. Ouais. Et on poursuit avec toujours ces histoires de garde à vue abusive et ces collégiennes qui ont terminé en GAV pendant 8 heures suite pardon, à une baston devant leur école. Et il y a du neuf dans l'affaire, on sait maintenant ce qu'elles risquent. Bah là, c'est au moins de la tôle, quoi, s'ils sont cohérents avec la garde à vue. Bah, et non, hein, suite aux plaintes des parents qui trouvaient la garde à vue abusive et disproportionnée, elles devront faire un geste de réparation, à savoir une lettre d'excuse. Oh putain, les pauvres, elles vont galérer. Hein. Ouais. Et on reste dans l'école. 11 nouveaux internats devront ouvrir pour les élèves des milieux défavorisés. Ah bah c'est une bonne nouvelle, on va enfin créer des nouvelles places dans les prisons pour mineurs. Et on termine avec des photos inédites du 11 septembre qui sont parues dans la presse aujourd'hui. Qui sont cons, on est le 11 février, ils sont trompés de jour. Mais non, route idiot quoi, c'est des photos des attentats du 11 septembre à New York 2001, vu du ciel. Alors ces images inédites ont été prises par un hélicoptère de la police et étaient placées dans le dossier de l'enquête. Vous les avez vues où? Ouais, je les ai vues moi, mais on voit pas les tours ni les avions dessus. Moi je suis sûr que Jean-Barry Bigard il va encore taper scandale. Hein. Ouais, n'empêche, quand on voit ces photos, putain c'était vraiment impressionnant quand même. Hein. Il y a eu une vengeance là il y a quelques jours sur la tour de Dubaï là. Il y a un ascenseur en fait qui est tombé en panne. Ce sont des Belges qui ont revendiqué l'attentat. Enfin, c'est malin, ça roule. Bon, avant de passer au sport, on fait un tour par le con du jour avec Sandro. Ouais, alors mon con, c'est un Américain, pour pas changer. Et bah, comme assez souvent, il est complètement pété, en fait. Mmh. Et ça se passe à Wisconsin, dans le Wisconsin. Je sais pas comment ça se dit. Wisconsin. Dans une station de ski, en fait. Donc, qui dit ski, dit souvent accident, oui, et donc c'est... ambulance. Donc c'est le service des urgences qui vient soigner un skieur qui est blessé et ils font ça directement dans l'ambulance, dans le camion en fait. Normal. Et c'est à ce moment-là que mon con du jour décide de voler l'ambulance. Ah bah oui. Sauf qu'en prime, bah, il a volé un patient et une équipe médicale. Ah fort. Il est assez con quoi. C'est violent. Ah oui, de voler ça. Bon, bah merci Sandro pour le compte du jour. Hein. Allez, sport maintenant, Jeux Olympiques. Les Jeux d'hiver vont bientôt démarrer à Vancouver. Sauf que bah, ils sont un peu en galère de neige. En revanche, ils font face à des lynx qui traversent les pistes qui hébergent certaines épreuves des JO. Ah oui, ça va être vachement bien. En fait, à tout moment, un sportif peut se faire croquer. Ouais. C'est con parce qu'on a plein de chasseurs en France et plein de neige. On a qu'à faire un échange. Ah bah oui, ça pourrait faire plaisir à Delanoë, ça, d'avoir les JO à Paris. Mais il y a nettement plus de chances que Paris envoie de la neige au Canada. Hein. Ouais, c'est ça. On s'est déjà fait niquer les JO et en plus, on devrait leur donner de la neige. C'est pas près d'arriver, hein. Delanoë, c'est pas son genre de se laisser enculer. Et puis sport encore, football. Malgré leur victoire à Vesoul, les joueurs du PSG ont été malmenés par les supporters à leur retour au Parc des Princes. Pour calmer le jeu, il y a eu une réunion hier après-midi entre les représentants des supporters, Antoine Camboire et l'entraîneur, et Claude Makélélé, le capitaine. Ouais, et alors il en est ressorti quoi? Rien, hein, qu'il n'y aurait plus d'encouragement dans les gradins à partir du match contre Toulouse. Ouais. Et que Sarko a été vu en... Sacco a été vu en boîte de nuit après la défaite 3-0 contre l'Orient. En même temps, si les joueurs du PSG n'ont plus le droit de sortir après leur mauvais match, les boîtes de Paris risquent toute la faillite là. C'est pas faux. Et Sacco, il a carrément tapé le journaliste qui avait relaté les faits comme quoi il était sorti. Ah, c'est bien ça. Il a tapé cet après-midi, ouais. Ah bah la liberté de la presse. Bon, ce mec du jour touche à sa fin. Avant ça, on joue avec le quiz des citations. Et à votre avis, qui a dit Diam, c'est une femme qui a explosé en plein vol face à la réussite. Je sais, c'est une ministre. Fadel Amara. Ouais. Exactement, oui, Fadel Amara qui avait. Ouais, mais elle dit plein de trucs bien bien trash sur Diam, ça, Fadel Amara. C'est pas un modèle pour les jeunes populaires, c'est ça, non? Ouais, populaire. Je sais pas, mais enfin, je sais qu'elle a pas arrêté de tailler. Attends, elle a blindé l'oseille, hein. Ah, mais c'est parce qu'en fait, Diam la taille dans une chanson. Ah, ouais. Voilà, c'est ça le truc. Très bien. Bon, qui a dit je voudrais avoir une crise cardiaque et mourir ainsi, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ah, c'est dépressif. Ah oui, là, oui. Une meuf? Oui. Enfin... Paris Hilton? Non, oulala, non. Vieille? Oui. Brigitte Bardot? Non, français, oui. Une vieille française? Oui. Merde, l'autre là qui fume tout le temps? Non. Jeanne Moreau? Non. Gilles Fontaine? Non. Bah, t'as un indice? T'as qu'à aller sur youporn.com, crise cardiaque assurée pour toi. Ah, de Fontenay. Oui, ah, Geneviève, oui. De Fontenay qui ne se remet pas de ce qu'Andemol lui fait vivre. C'est malheureux. Et enfin, qui a dit je sais avec qui j'ai couché, et certainement pas avec ce gros plouc menteur goujat et d'une inélégance rare. C'est Brigitte Bardot, mais je sais pas de qui elle parle. Balkany. Oui, Brigitte Bardot qui répond à Balkany, mère de Levallois-Perret, qui prétend avoir couché avec elle. Ouais, voilà. Je croyais que c'était une meuf avec qui j'avais dit que j'avais couché, mais non. Non, bah ça aurait pu. Bon, du coup, t'aurais pu donner le même indice que le deuxième. C'est-à-dire une vieille. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Bon, retour du Mac du jour à l'autre jour. Bon, et dans un instant, on va jouer à la chatroulette. Chatroulette. Et Laurent se déshabille pour la chatroulette. C'est un principe énorme, tu vois de tout. Exactement. Et on va vous expliquer dans un instant le temps de faire une petite pause avec le son de Owl City. Écoutez bien, c'est Fireflies. Pour ceux qui connaissent pas, c'est super bien. Ça change, en tout cas, de tout ce qui passe en radio actuellement. On récupère Angélique, Vanessa et Sandra pour parler des fantasmes, le sujet dont on parle depuis le début de l'émission. Et si vous avez d'ailleurs aussi vos avis à donner, 612 débuté par énergie ou sur le groupe Facebook mikl.fm, cliquez sur la communauté. Et voilà le son de Owl City avec Firefly. C'est Marion qui voulait savoir ce que c'était sur le groupe Facebook sur mikl.fm. Léo qui disait enfin du bon son, bah, il a encore dans un instant puisqu'on va vous faire passer du son rock US. Et puis plein de messages qui se demandent ce que c'est la chatroulette. Hein. Vous allez voir. La chatroulette. Alors la chatroulette, c'est simple, c'est un chat nouvelle génération hein, qu'on a trouvé. Le concept est impératif, enfin est important, puisqu'il faut impérativement avoir une webcam. C'est pas obligé, mais alors, c'est mieux. Sinon, ouais, si t'en as pas, ça sert pas à grand chose de faire la chatroulette. Ouais. Et donc concrètement, c'est simple. Alors là, on a tout installé, donc on a une webcam qui filme le roux. Hein, ouais, c'est le roux qui sera notre chatroulette tester. Et donc c'est un peu le concept de Next. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est le concept de Next, donc c'est-à-dire que là, il y a Roux qui a une webcam, on le voit. On va l'allumer, et puis il y a quelqu'un de l'autre côté, n'importe où sur Terre, qui est sur la chatroulette, qui va pouvoir rencontrer le Roux. C'est comme une roulette en fait, donc on tombe dessus par hasard, et quand il y en a un des deux qui en a marre de l'autre, il pousse sur Next, et il tombera sur quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est si le mec il t'emmerde ou si la meuf t'emmerde, alors, tu dis casse-toi, t'appuies sur Next et t'envoies, tu vas ailleurs. Imagine, tu tombes sur ta rhum. Mais oh ouais, non, mais alors, arrête, c'est pas merde. Tu sais, en train de se toucher ou quoi? Comment t'appelles ta mère encore là? Bah, pas forcément la tienne, Roux. Valérie. Valérie, c'est ça. Imagine, Roux, tu tombes sur Valérie qui se touche là. Non, imagine pas. Oh là là, la barre de rire, mec, ça peut être énorme. Attends, tu préfères tomber sur elle qui est en train de se toucher ou sur elle en train de se faire prendre par un gars? Mais non, mais je préfère rien du tout. Non, mais à choisir. Tu vois, je peux choisir. C'est comme si tu préfères avoir un bras en mousse ou une jambe en carton. Mais c'est plus drôle que ça, là. Non, mais c'est impératif, Roux. C'est une question de vie ou de mort. Tu dois choisir. Rencontrer ton futur beau-père sur la chatroulette. La connexion va couper. Non, c'est pas trop bien. Et il faut savoir que Top, cet après-midi, est comme tombé sur une relation sexuelle en direct. Moi, j'ai testé. Et donc, c'est ça le pire. Contrairement, étonné. Ça ne pouvait arriver que sur moi. Je l'allume. Je vous jure que c'est vrai. Je fais play. Le premier truc, je suis tombé. C'était une meuf qui était en train de se faire prendre sur le bureau par son mec. Non. Bah, nous on va pas taper à discute pendant 107 ans avec les gens. Non. Allez, non, on y va, c'est sur... parti, la chatroulette. Et donc on a mis le son, hein, donc normalement on a le son à l'antenne. T'as mis le micro? Bah normalement, direct c'est bon le son. Oui. Ok. Mais il faut qu'il y ait du son pour ça. Ouais, allez, donc, un micro dessus. Play. Non mais mets le micro. C'est bon. Alors, on attend. Il a coupé la caméra le mec d'en face. Vas-y, ah non, je fais Next. Hein, Ouais, vas-y, fais Next. Fenex, il a enlevé la caméra, studio. Et tu peux parler avec lui aussi par écrit si tu veux. Ah mais c'était bon là, il était mis là. Et Nablet. Ah là, voilà, ah, il est là. Y a un mec là. Oh là là, oh, la tête du mec. Oh là, il t'a zappé. Ah, il t'a zappé. Roux, tu l'avais mis, tu fais peur. Pourquoi tu fais peur? Oh là là. Mais tu peux lui parler, il t'entend lui aussi. Hein? Tu peux lui parler. Oh, ouais. Il doit nous entendre rigoler. Mais tu cherches qu'une meuf ou quoi, Roux là? Comment? Alors, c'est lui qui m'a zappé. C'est lui qui l'a zappé, c'est eux qui cherchent des meufs. Ah d'accord. Attends, tu sais quoi, vas-y, mets la caméra sur son dos, il est où, là, en train de perdre ton temps. Il y avait une meuf et un mec, là il y a un mec, c'est que des jeunes. On dirait Polo. Ça va ou quoi? Ah, mais c'est des anglais. C'est des russes. What's up? Oh, il était pas mal lui en plus, hein. Ouais, mais il t'a zappé, Roux. Attends, en fait, je me fais que zapper, je peux même pas appuyer sur Next. Vas-y. Ah, c'est à moi d'y aller? Attends. Allez, c'est la chatroulette. Ah, yo man, what's up? Ah, t'as zappé. Il zappe direct. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bruit. Hello. How are you, my friend? Oh là là, la tête du mec, il a l'air... J'ai une tête d'anglais, t'es un anglais, toi. Are you English? Il reste, attends. Il se demande. Il l'écrit. Putain, ils sont relous. C'est dingue. Ouais, non, bon, ça, c'est un dessin. Ouais, ça, c'est un mytho, ça. Vas-y, Next. Attends, mets la tête de Sandro. Sandro, va à côté du roux et on va faire semblant que c'est ça. Vas-y, attends, je vais y aller, moi. Bah, vas-y, enlève ton pull, mets-toi un truc un peu plus sexy, là. Tu vas voir. Je suis moi, sûr. On va tomber sur une meuf pour rigoler. Non mais attends, on va d'abord tomber sur un mec pour rigoler, tu vas voir. Très peu de meufs en fait là-dessus parce que ça doit être que des sadiques. Ah ouais. Et pourtant, il y a quand même quasiment 20 000 personnes de connectées. Ah ouais, mais 10 000. Tu vois qu'ils vont rester dès que ça va être sans attends, allez hop. Et je vais me vexer. Show your tits. Ah, je peux voir tes seins. Donc Sandro se met devant la webcam, le mec il lui met show your tits. Attends, il veut dire montre tes seins. Ils vont voir les micros et tout, ils vont se dire avec le casque. On a mal réglé là. Ah, lui il va rester, tu vois. Ouais, ah, il parle. Dis-lui, dis-lui bonjour. How are you, man? Mais parle-lui. Hey, what's up? I'm Sandro. Would you like to fuck? Ouais. Il va entendre ton flash, je pense qu'il va zapper. Ah, il, ah, oui, il a zappé. Ah, ouais. Il y a personne qui veut parler. Bah non. Mais chat, tape. Yeah. Non, oui, non, il l'a zappé. Non, c'est encore. Il faut baisser. En fait, je pense qu'il faut baisser ton. Il n'a pas de caméra, lui. Vas-y, next. Attends, dès qu'il a pas oui, de caméra. Attends, je vais cliquer là, en fait. Ouais, next. Alors. Ils sont relous, sans caméra. Il n'a pas de caméra non plus. Il n'a pas de caméra non plus. Ah, voilà. Oh le mec, il se branle. C'est dégueulasse. Je vous l'avais dit. It's good. Et le mec, c'est bon pour l'interrogation. Le mec, il a la bite à l'air, il se branle. C'est pas possible. Devant sa webcam, mais c'est la lue. Ah ouais, mais je vous ai, comme quoi, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Bon, lui, répond pas. On next. Attends. Laisse-le finir. Il se demande, il a arrêté là. Il se dit, c'est quoi ça, la meuf à la micro. Il va répondre. Je suis sûr qu'il a répondu. Ah oui, parce qu'il a arrêté de se branler. I know. C'est un drôle. Il dit, c'est bon. Il fait, je sais. Attends, il arrête de se branler. C'est-à-dire qu'il va. Il a écrit, il y a un temps d'attente entre la ligne et la ligne. You like? Yacht. You like it. Ah, tu dis bien sûr. Of course. C'est lui qui est un peu petite. Ouais. It's a bit small. Par contre, je pense que ce jeu-là, il va pas rester longtemps parce que. On est toujours sur la chat roulette, donc c'est un chat avec des. C'est le même principe qu'à la télé. Next, donc deux webcams, hein, forcément. Bon, il te répond, je sais qu'elle est petite. Ah ouais. Ah, vas-y, fais next, t'emballes. Non, mais vas-y, monte tes seins. C'est ça. Bah, lui, monte bien sa teub. Bon, allez, je lui dis comment on dit. Good night. Bonne night. Je suis perturbé là. Bonne. Fais next. Bon, allez, vas-y, passe à autre chose. Oh, il est saoulé. Encore un mec avec la teub à l'air, mais il bande pas. Mais il est mort. Mais arrête, vas-y. Attends, je vais dire de bouger. Mais tu vois qu'il respire. Move. Non, assistance à personne en danger. Move, ça veut dire dégage. Hein. Non, j'ai dit bouge. Oui, bah oui, c'est ça. Attends, il y a du son. C'est mystique. Ah, ça y est. Bouge. Non, mais attends. Parce qu'il nous entend. C'est vrai qu'il nous entend. Il vous a entendu. Monsieur Prout. Hi. Voilà, il s'est dit qu'il s'est tiré bizarre. Il t'a zappé. Attends, faut enlever le logo de la radio. Non, mais attends, là, c'est la nuit. Ils sont dieux, elles sont mal. Ah, c'est les filles. Hi, girls. Vas-y, fais ta vie, pétasse. Ah, putain. Oh. On a eu du lourd. Oh là là, on l'aime pas courant là. Il a zappé. Oh merde, j'ai raté. Ouais, c'est pour moi que t'appuies trop vite. Hein, parce que bon, ça les a. Ce que je propose, c'est qu'on mette un petit peu de pub. Pendant ce temps-là, on essaie de choper une meuf avec qui on discute un peu. Et puis génial. On vous remet en live. Ah, c'est chez toi. On va prendre. On va prendre Angélique dans un instant. On va prendre également Vanessa. Et Sandra. What's up? Hi. Friends and you. Paris, and you? Ah, il met du temps. Italie. I want to fuck you now! Oh! Allez, pub, on revient après. Si Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures, alors qu'il sauve trois fois le monde, deux fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Oh là là, on est sur la chat roulette, là on est tombé sur des cassos. Il y en a un qui dit « Help !» Sandro qui répond « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis malade mental. Ah bon? Est-ce que tu es docteur? Et hop, on avait compris le délire. Hein. Il y en a qui ont grillé, qui ont dit vous êtes une émission de radio. Et on a dit yes, ils ont fait ils ont coupé. Donc en gros, c'est la chat roulette, c'est le concept comme à la télé. Deux webcams, donc le mec en face ou la meuf en face a une webcam. Nous, on en a une. On parle ensemble par webcam interposée. Et puis, quand on en a marre, on zappe. On est tombé tout à l'heure sur un mec qui était en train de se. Enfin, Il avait mis la webcam sur sa teub et il était en train de se branler. Ah, elle est, c'est une anglaise. Ah, mais les meufs, elles me zappent direct. Hein. Ah, ouais, mais c'est normal. Mais ouais, le problème, c'est qu'il faudrait ah, j'allais dire, faudrait mettre tof, mais non, elles vont se barrer aussi. Ah, c'est pas sûr. Là, si c'est des anglaises, j'ai une chance. Ouais, ouais, bah ça reste à voir. Hein. On est tombé sur Bob Marley aussi tout à l'heure. Ah, ça c'est en France. Mais qui était avec son linge en train de fumer. Allez, ils sont tous intrigués par le micro et le casque. Ouais, ouais, ouais, bah c'est normal. Ouais, ils sont tous intrigués, mais ils veulent pas rester. Hein. Non, non, ils sont. Non, mais ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Il y en a qui. Oh là là, il est en train de réfléchir lui. Hein. Il a le regard qui va vers. Oh là là, vas-y, zap, zap. Ouais, ouais, zap là, ça peut être dangereux. Bon, retour avec. Qui retour avec Angélique. Vas-y toi, vas-y toi. What's up? Yeah. Yes. Radio, radio. It's radio show. Are you on a radio show? Yeah. What radio show? In France, Paris. Oh, we're in England, in Leeds. Okay. At Leeds, you're already hot. I really like you. Oh, do you know he's 17? Oh. He's 17? Yeah. Yeah, we know. Are you like I'm 17? No, we know. Do you know he's 17? Oh, he's 17, yeah. I love he's 17. Oh, okay. Tout ça pour te serrer. Il est choqué là. Encore un mec qui se branle. Elle est toute petite la sienne. Hein. Ah mais putain, le mec qui la tient entre deux doigts, il a du mal. Hein. Oh, do you have a problem? Il est parti. Ah, il est content de te voir, Sandro. On dirait un vendetta. On n'est pas tombé sur des Français encore. Non, non, non, bah non, là, c'est compliqué. Hein. Si vous êtes sur le chat roulette, n'hésitez pas à nous dire bonjour avec. Ah, bah voilà. Voilà un Français. Comment bon. Ça va? Il peut pas parler. Ah, t'es à Paris. Ah, t'as pas tu nous choix. Entends ou pas? Non, apparemment, il nous entend pas. Ah, moi qui non. Ah si, lui, il nous entend. Tu nous entends ou pas? Paris. Pourquoi tu dis Paris? Mais pourquoi tu réponds Paris? Parce que je le regarde en même temps. Parle-lui. Mais il je sais pas s'il m'entend. Mais si. Tu m'entends? Adam. Si, ah voilà, très bien, parfait. Bon, mais pourquoi il nous parle pas? Mais pourquoi tu parles pas? Parce qu'à chaque fois il répond par texte, c'est pas pratique. Attends qu'il réponde. Pas de micro et tu n'as pas de réponse. Mon micro est pas activé. Bah, oui. Bah, active-le, on fait de la radio, alors mais c'est plus pratique. Si t'es sur Paris, mets le 100.3. Mais 100.3. Voilà, comme ça la tu radio. Vas pouvoir. Oui, oui, oui, sur la radio, hein, si t'es sur Paris, évidemment. Hein. Voilà. Il dit ok, ouais ben bah vas-y on te voit, hein, vas-y mets la radio. Par contre il y a une couverture un peu pourrie si je puis parler. Ouais, oui. Ouais. T'inquiète pas, ça passe pas partout, hein, y'a que nous qui te voyons. En même temps il a compris hein, parce qu'il y a un gros logo derrière toi. Hein, et ça va ton gosse le torse hein. Ouais, oh bah ça va, t'as Il est content. Il peut montrer les abdos ou pas? C'est quoi son prénom? Comment tu t'appelles? Stranger. Maxence. Bon bah très bien. Enchanté, bah tu pourras nous écouter maintenant. Sans bah voilà. Allez, next, on cherche une meuf, on est désolé. Bon, on te laisse. Ciao. Ciao. Ah il est coupé déjà. Merde, putain, on tombe même pas sur un nouvel auditeur. C'est sur un mec qui nous écoutait déjà. Parlé, hein. Ah oui, oui, c'est possible t'es aussi. T'es venu parce qu'on en a parlé, non? Non, non, il tu est. Tu connaissais déjà? Ah merde, c'est déjà infidèle. Ah, non, pas du tout. Il ouais, est par hasard. Ou pas. Ah non, par hasard. Bon, bah très bien, parfait. Bon, bonne soirée. Ciao. Ciao, Maxence. Ciao. Bon, bah très bien. Bah, comme quoi, c'est bien. Ouais, c'est marrant. On tombait sur des Français, on tombait sur des Anglais tout à l'heure. Ah, vas-y, parce qu'il était pas mal, lui. Hein. Oui, bah. Il est beau, ce Maxence. Bah, ouais. Vas-y, Sandro, tu veux qu'on. Ah, bah non, non, il était un peu jeune pour moi, mais. Oh, tu sais, t'aimes bien les jeunes en même temps. Non, justement, j'ai dit que j'arrêtais. Ah, t'arrêtes? J'ai promis à mes amis que j'arrêtais les jeunes. D'accord, ok, très bien. On n'est pas la brique, Sandro, elle demande l'ordinateur du roi. Après tes soirs. Non. Arrête d'appuyer tout le temps sur Next. Faut que tu laisses le temps de se charger là. Ah, je savais pas. Ouais, parce qu'elle pousse sur Next. Ah oh, venez, mais venez derrière moi parce que moi, vous me zappez direct. Hein. Ah, ouais, voilà. Mais si, elle me zappe, elle s'en fout de ma gueule. Le polo derrière Choumi. Ah, non, il y en a un qui se branle encore. C'est vrai qu'il y a que ça. Mais il y a que ça, c'est dingue. Il y a que des mecs qui se branlent. Vas-y, vas-y, viens, Polo. Oh, c'est violent. Oh là là. C'est pour toi, on est tombé sur un médecin là. Hello. Non, vas-y, zappe-le. Lui, c'est un mec sérieux, il est pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'on sait, ça pas, se trouve, c'est il va. Plus chelou, Mais ça se trouve en dessous de son beau polo, là, allez, il a. Venez, viens, Tof. Là, il y a des gros seins. Non, mais elle était que. Ah oui, mais enfin, c'était parfait pour Tof. Ah, tiens, vas-y. Bonjour. Elle se barre direct. Tof arrive, elle se barre direct. Ah, ça, c'est jeune, ça, on zappe. On zappe. Non, pas trop jeune non plus. Tu vois, ça a pas duré. Ça se trouve, on est en train de zapper Zulit. Oh, oh. Ah, elle est beaucoup plus fine que celle de tout à l'heure. Hein. Elle était beaucoup plus longue, celle-là. Elle était plus longue, mais plus fine. Hein. C'est énorme. Ah, ce Polo, il va aller dessus ce soir. Ah, Polo, il adore. Hello, I'm Polo, Polo from Paris. On est désolé, mais on est en train de se faire un kiff, là. Ouais, non, mais on est sur la chat roulette, là. Oh, ça y est, Sandro, elle va être en kiff, là. Le mec, il est torse nu, là. Non, je fais pas du tout mon délire, les mecs comme ça. Ah, ouais, c'est Vicage de Rasso. C'est Bob Marley. Vicage de Rasso, vas-y, fais next. Bon, vas-y, fais encore un petit coup de next là pour voir. Oh le bouffon! Ah, c'est l'Angleterre, UK here. Ils sont nombreux les UK. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'anglais. Ouais. Ouais. Un hamster empaillé. Bon, allez, on se remet matière. Promis, juste après, on récupère Angélique, Vanessa et Sandra. Et on s'écoute un petit groupe français de Vesoul. Oh! Matière. Ouais, Matière, qui était venu la semaine dernière, qui sont plutôt bon esprit. Ils avaient chanté en live, l'interview d'ailleurs sur amical.fm. Écoutez maintenant Matière, Make Me Shine. Voilà, groupe français Matière avec Make Me Shine, qui était passé la semaine dernière, qui est très très bon délire, je vous le conseille d'ailleurs. Le groupe, si vous voulez en avoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur leur... merde, là, comment on appelle ça MySpace. Leur MySpace, voilà, c'est ça, Matière, M-A-T-I-E-R. Groupe français de Vesoul. Voilà, on est toujours sur le... sur la chat roulette et on a rencontré encore un auditeur à nous qui est là. On sait pas comment il s'appelle malheureusement. Tu nous entends là? Attends, ah non, le micro marche pas. Il est en train de brancher. Il est en train de tester le bordel là. Hop là, on y va. Donc, tu nous entends ou pas? Non, attends, il rebranche encore un coup. C'est bon, tu nous entends? Allô? Ici la Terre. Non, ça n'a pas l'air de bien marcher. Hein. Non, je pense qu'il a des petits problèmes techniques. Ah non, il dit attends. Bah oui, oui, oui. Bah, on va un petit peu attendre, hein, écoute, c'est pas grave. Direct, il nous a vu radio. Oui. Ouais, bah oui, j'ai l'énergie. Il y a les logos derrière Sandro, si tu veux. C'est Michael. Donc, oui. C'est marqué. Sans interview, oui. C'est là, on t'entend. Comment ça va? Ça va. Hein. Comment tu t'appelles? Allô. Ouais, comment tu t'appelles? Max. Max. Max. Oui, je suis passé trois fois déjà. D'abord oui, j'avais joué au le Battle de ta mère. Ah, l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Ah oui, à l'ancienne. D'accord. J'ai perdu avec une voix, quoi. T'avais une voix, t'avais perdu à cause de ça? À une voix près, t'as perdu. Merde. Ouais. Et qu'est-ce que tu fous là, alors? Bah, il va se branler tout à l'heure, comme les autres. Tu vas te branler comme les autres? Ça fait longtemps que tu es sur le chat? Deux jours. Ouais, et alors? Ouais. T'as fait des rencontres un peu ou pas? Oh, mais au taquet de bite, quoi. on a remarqué, ouais. Ah, y a que des bites. Ah ouais. Que des bites. Des amis qui font des captures d'écran, qui font un album Facebook avec. T'arrives à chatter un peu avec les filles ou pas? Ça. Ah, il a fait une connerie. Eh bien, attendez. On va tenter. Ah, oui, bah oui, oui, oui. Ah, mais okay. Merde, putain, c'est vrai, on a un standard. Il est moins teubé que nous. Hein. Ouais. Ah, c'est merde. Bon, Micha, viens prendre le numéro de Max. On va le prendre dans le standard dans un instant. Bon, en attendant, on récupère Angélique qui est la stéphanoise. Salut, Angélique. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, ouais. Finalement, rien de mieux que le téléphone. Hein. Oui, c'est ça. Ça va tellement plus vite. Bon, Angélique, j'imagine. 25 ans, donc sois la bienvenue. Tu voulais parler des fantasmes. Est-ce que toi aussi, ton fantasme numéro 1, comme le sondage qu'on a lu en début d'émission, c'est de faire un truc à trois? Bah, je l'ai déjà fait, donc oui, je l'ai réalisé, mais bon, après, c'est pas le plus important. Est-ce que t'as aimé? Ah ouais, c'était pas bien. Ah ouais. Et alors, non. C'est quoi ton fantasme à toi? Moi, j'aimerais bien être soumise à un mec. Pas de problème, je suis disponible. Combien mesures-tu? Oh, ça faisait longtemps, tiens. Je mesure 1m70. Combien pèses-tu? Je pèse 63 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85C. 85B, excuse-moi. Et la taille, je suis enflammé, là, hein. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 40. Écoute, je peux te soumettre quand tu veux. J'ai un fouet, une cravache et des menottes. Oh. Ouais, mais enfin, ouais, il faut encore qu'elle veuille. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Mais moi aussi, c'est vrai. Je suis ouais, c'est ça. Bah laisse tomber. Attends, on t'interrompt, Angélique, mais il y a Max sur la chat roulette là qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça sonne pas. Il fout quoi, Micha? Il se branle. Il se branle aussi, non? » Ça répond ou pas, Micha? On va le prendre dans un instant. Bon, Angélique, donc toi, donc, oui. C'est te faire soumettre. Voilà. D'accord. Et pourquoi? Il y a une raison, c'est venu à un moment où, enfin, je sais pas, explique-moi un petit peu. Non, parce qu'en fait, j'avais un copain qui aimait bien prendre les devants et que, ben, on n'est jamais allé jusqu'à se soumettre l'un à l'autre, mais j'avais bien voulu essayer. Malheureusement, j'ai rompu avant et j'aimerais bien. D'accord. Comment ? Fallait rompre après. Bah ouais, mais il est stupide, le mec, donc il a pas voulu. Ouais, bah oui, bah tu m'étonnes. Mais c'est les mecs, hein. Oui, ah bah c'est ça, en même temps, on peut pas faire de miracle non plus, hein, mais bon. Bon, attends, tant que t'as, il y a Vanessa qui est là maintenant, 28 ans d'Arras. Salut Vanessa. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Vanessa? Ça va, tout le monde. Attends, Vanessa, continue à me parler, je vais me mettre sur la chatroulette. Il va se branler comme les autres. Si je te dis que je travaille justement sur un site comme ça. Ah, sur le même style de site que la chatroulette ? Oui, c'est aussi par téléphone. C'est pas un truc du cul, hein, la chatroulette. Hein. Enfin, on se demande. Oui, mais quand même. Moi, je travaille sur un chat où je suis animatrice, où je me dévoile. Mm-hmm. Et en même temps, je suis animatrice par téléphone. D'accord, ok, c'est pour ça que tu nous fais ta voix de cochonne. Non, c'est ma voix. Oui, un peu posée, calmement. C'est je m'excuse, mais quand t'appelles la sécu, tu fais pas. Bonjour, je cherche le papier E17. Est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît, le papier 17? Non, t'appelles comme tout le monde, tu dis ah ouais, je veux le papier 17, bande bon, de con. Ok, là c'est ma vraie voix. Là c'est ma vraie voix. Bon, ça va déjà un peu mieux, même si bon, bref. Alors... Non, mais là, sérieusement, c'est ma vraie voix. Non, toi, mais pas ça. Bon, bah alors ça va très bien. Bon, qu'est-ce qu'il met, Sidio, encore? Il a vu une meuf, il dit tu veux voir ma bite? Oh, top, putain! C'est le moment où elle avait répondu. Ah, elle s'est barrée. Ah, bah oui, elle s'est barrée, tu m'étonnes. Elle voit sa tête de con, Tof, là, sur la chatroulette, il est con. Ah, mais je crois que c'était le principe, moi. C'est ça, ouais. Bon, bref, Vanessa, donc tu voulais donner ton avis sur les fantasmes, toi? Oui, puis en même temps, je vais parler tout à l'heure du sujet concernant l'anus. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors ça, c'était le problème sur le forum. C'était la meuf qui voulait savoir un peu la sensation. Bref, elle voulait faire un anulégus à son mec. Ah, c'est dégueu. Moi, j'ai déjà fait et je kiffe, entre guillemets, laisser l'anus à des mecs parce que j'ai l'impression de les dominer. D'accord. Attends, parce que là, je t'interromps encore, mais on a enfin trouvé une meuf qui était en train de se toucher. Ah merde, c'est parti, putain. Elle a vu la tête de Toff, elle s'est barrée, dis donc. Elle s'est barrée direct. Direct, elle a en vu fait, ta tête. Elle était en train de se mettre des doigts. Quoi. Franchement, mais mets pas ta tête, hein, putain. Et la meuf, pas dégueu, quoi. D'habitude, c'est des grosses dégueulasses qui sont. Comment elle a fait pour cliquer sur Next? Parce qu'elle était. Elle a le PC devant elle. Hein. Non, c'est la webcam avec un film. Ah, oui, non, la webcam derrière, mais elle est devant. Excuse-nous, Vanessa. Donc, tu avais essayé, donc, et puis. Moi, je kiffe. Dominer les mecs comme ça. Ah oui, pour le fait de dominer. Voilà. Tout simplement, on va dire, d'habitude, c'est les hommes qui lèchent les femmes, tout ça. Eux, ils aiment pas trop ça. On va dire, titille l'anus. Ouais. Et le fait qu'une nana ose le titiller, c'est soit ça les met mal à l'aise, ou soit ça les excite encore plus. D'accord. Oui, non, pour ça, ouais, mais après, c'est quand même le côté dégueulasse, tu sais, parce que c'est quand même l'accent de toute la merde, quoi. Tout simplement, si je sais que je vais le faire avec au mec. Oui, la douche, tout le bordel. Ouais, ou sinon, voilà, il faut que ça soit propre. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois les lingettes intimes des meufs, tu sais, il y a plein de meufs qui ont ça même. Ah ouais, mais t'imagines le nettoyage, oui, allez. J'ai toujours. Non, mais même si t'as les lingettes, t'imagines, tu commences à frotter, tu vois qu'il reste des traces, quoi. Non, arrête, franchement, moi, ça peut me faire gerber. Ça m'est arrivé une fois, je te promets, le mec, je l'ai plus revu. Super beau gosse, baraqué. Je l'avais rencontré dans un bar, super, costard, cravate. Je le ramène chez moi, je dis, allez, je vais commencer à le déshabiller, m'amuser avec lui. Déjà, il se déshabille avec un son super dégueu. Ah oui, c'est après ça. Tant pis, je l'enlève quand même, je me dis peut-être en dessous. Mais quand tu vois que. Bon, qu'il reste un morceau de papier de toilette collé en place, là, non. C'est dégueulasse. Bon, Vanessa, reste avec nous, on prend Sandra dans quelques instants, on se met la pub et on revient après. Le son de Rihanna à l'instant, Russian Roulette. On se mettra un petit son US avant de partir, évidemment, avant que le polo show débarque. Et on prend enfin Max, qui est là, 22 ans du 11, qu'on a chopé sur la chat roulette. Allô, Max? Oui. Ah, ben voilà, on t'entend mieux, là, tout de suite, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Bon, alors, beaucoup de messages sur le groupe Facebook. Marie qui dit, il y a des hommes fort charmants sur le site. Oui, mais il y a aussi des gros moches. Hein. Ouais, et il y a beaucoup de bits, par contre. Bah, il y a Samuel qui dit, chat roulette égale 5 sur 10 de bits. 1 sur 10 de jolies filles, 1 sur 10 de beaux gosses, 2 sur 10 de moches et 1 sur 10 de fake. C'est un peu ça. C'est un peu non, il y a des mecs pas mal, franchement. Hein. Ouais, ouais. Par contre, les meufs, faut chercher. Hein. Ouais, les meufs, faut chercher, mais les mecs, ça va. Les fake. Ah ouais. Ah ouais, les fakes. Ah ouais. Bah si tu vois. J'ai le logiciel avec les vidéos pour faire fake. Ah, oh, tu t'es fait niquer, Toff. Ah ouais, donc la meuf qui était en train de se mettre à doigt, c'était une actrice de cul dans un film. Oh, je suis déçu. Ah ouais, putain, on est déçu là. Il y a un mec qui était à l'envers. Hein. Ouais, ça devait être un Australien. Ah, c'est dégueulasse. Ça. Ah, c'est dégueulasse. Je fais pas ça. En fait, pour que vous compreniez. Juste derrière, il y avait un petit gamin, tu vois, il a dû croire qu'on criait en voyant sa gueule. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gars à la caméra avec le visage. Une photo. Une photo avec le visage déchiqueté, quoi. C'était horrible. Mais t'as connu ça comment, Max? Ouais, comment t'es arrivé là-dessus, Max? Oui, ben attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de te branler? Non. Ben en fait, si vous voulez, j'étais avec. J'ai un pote de classe qui vient me voir le matin. Il me fait: putain, Max, il faut que t'ailles sur ce site, chat roulette. Donc, ben le soir, j'y vais, quoi. Ouais. Et donc, il m'a expliqué le principe et tout. Et j'y suis allé mardi soir, quoi. Et putain, c'est nawak. Ouais, c'est énorme. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, j'avais déjà fait une blague à un pote comme ça de classe. J'avais un logiciel pour mettre des vidéos à la place de la webcam. Ouais. Et j'ai 3 vidéos de la même meuf pour faire croire que c'est une jolie fille qui tape à l'écran. Et donc, j'ai baisé pendant une semaine le mec, mais je l'ai fait tourner un bourri, quoi. Il m'appelait: Max, tu veux rencontrer Sandra, tout ça. Ah, attends, elle est pas dispo, tout ça, bref. Et là, quoi, mais genre, toi, tu voyais ce qu'il faisait? Non, je voulais pas mettre sa caméra, quoi. Je me vois pas en train de se branler. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et donc, du coup, je suis tombé sur ce site et tout. Je me suis dit, ça pourrait être marrant de faire les conneries. Bon, je le fais pas parce que, bon, finalement, c'est relou, quoi. Mais, c'est 9 sur 10 même de bites. C'est un truc de ouf, quoi. Non, mais c'est dingue. Là, on est sur des Brésiliens. Les mecs, ils sont là, la cool. Il fait plein soleil. Il fait chaud. 40 degrés à Rio, là, pour l'instant. Et Polo fait partager sa connaissance du portugais. Ah, il dit bon an et taquille, ça veut dire bonne nuit ici. Ah, il est déjà si tard que... Ah bah oui, il est déjà minuit. Mais il y a souvent t'as croisé des... Parce que tout le monde nous capte direct qu'on est un média, c'est à cause de... C'est quoi qui t'a marqué, toi? C'est le micro ou... De quoi, pour? Bah chez nous, en fait. Toi, tu nous as dit, ouais, putain, vous venez de la radio direct, quoi. Bah c'est marqué énergie derrière toi. J'ai vu énergie derrière. Ah, c'est marqué. T'as un gros logo derrière toi, en fait. Quel logo? Ben, Polo, là, mais... Quand Polo va bouger... Tente-toi, bouge, Polo. Ah oui, dans le fond, là-bas. Ah ouais, elle avait pas vu, ouais. Donc, bah ouais, c'est bien, tu as trouvé... Bon, c'est original, voilà, après... Je sais pas si ça va durer très longtemps, mais bon, après... Ah là, ouais, c'est sûr que c'est... je sais pas, faut voir, quoi. Bah, on verra, hein. Et, ouais. Et il y a vraiment des tarés, quoi. Il y a des fakes. Ah bah non. Bah là, par exemple, tu vois, là, tout de suite, écoute. Il y a un mec avec une perruque de toutes les couleurs, il est en train de danser comme un idiot. Et t'arrives à discuter avec des meufs, quand même, ou pas? Ouais, bon, non, mais après, moi, j'y vais pas pour les meufs, quoi. Mais j'y vais comme ça pour faire des rencontres. Ouais, juste pour faire un ex, quoi. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les Français sont vachement accueillants, quoi. Chaque fois que je tombais sur des Français, ils parlent anglais, quoi. Et puis je fais: vous êtes Français? Enfin, ouais, les Français sont accueillants. Après, les Américains... Non, les Français sont en chien et ils cherchent quelqu'un. Et quoi, les Américains, tu disais? Ouais, non, les Américains sont pas trop accueillants. Ils arrivent, ils insultent de direct et tout. Bon, je prends ça à la rigolade, mais bon. Ah, ouais, il y en avait un tout à l'heure, c'était tu montes tes seins ou tu dégages. Ouais, il y en a qui mettent des papiers show me your boobs. Ouais, grave. Ah mais non, c'est un film, ça. C'est un film, le mec qui filme sa télé. Ah, quoi que. Ah bah, j'ai cliqué maintenant. Hein. On n'est pas à l'abri, le mec qui faisait un signe à la caméra et tout, on n'est pas à l'abri que ce soit vrai. Il était en train de s'enrouler sa meuf, hein. Enfin, une meuf en tout cas, je sais pas si c'était sa meuf. Madi Dalek. Ça peut être pas mal. Bah écoute, Max, en tout cas, merci à toi. Et puis, bah, content de t'avoir croisé sur le chat roulette. Bah yes, pas de soucis, bonne soirée à vous, bonne continuation, et branlez-vous bien, hein. Et bah, écoute, c'est plutôt 100 euros vu le nombre de tops. Hein. C'est 100 euros qui va plutôt se toucher vu le nombre de tops qu'elle voit, hein, mais bon. Salut à toi, Max, à bientôt. Salut, bonne soirée. Salut. Ciao, bye bye. Bon, on va récupérer Vanessa, excuse-nous, Vanessa. On a été un peu. Oui, je suis toujours là. Oui, on n'en doute pas. Ouais, mais vous êtes en pleine branle là. Y a mais non, on se branle même pas, c'est ça le pire. Ce qu'on découvre, quoi, c'est marrant. On découvre le chat-roulette. Ouais, mais là, c'est vraiment pourri. Moi, si vous voulez, je vous donne là où je bosse. Il est beaucoup mieux. Non, mais on veut pas se branler. Voilà. Parle pour toi. Et t'as des accès gratuits. C'est gratuit ou c'est payant ton chat? C'est juste un logiciel à télécharger. Ah oui, payant. Ouais, mais normalement, c'est gratos. Ouais, ah surtout en général, les meufs de téléphone rose, là, de chat et tout, elles sont toutes chum. Elles sont grosses, elles puent et tout. Oh, elles sont moches, elles puent, t'es grave. Non, mais dis donc. Bon, envoie-moi une photo de toi à toff@energie.com et après je verrai si je me connecte. Je suis déjà sur ton Facebook. Ah! c'est beau. À 23h56 minutes, ça y est, c'est officiel. Teuf s'est fait cramer. Il a donc bel et bien un Facebook. Connard. Parfait. Attends. Vanessa. C'est quoi l'adresse de mon Facebook? C'est quoi le nom? Attends. Prends le nom, Micha, au standard. Ah. Tof a donc un Facebook. Ah, ça c'est beau. Et ça, ça fait plaisir. Vu qu'il dit qu'il n'en a pas. Il y a une bonne. Ah, Thomas, je l'ai zappé. Je ne change pas de conversation. Jenali est une française. Son vrai nom est Jean-Louis. Oh, bâtard. Oh le bâtard. Donc le mec il a mis une feuille avec la caméra qui va dessus. Il est marqué Jenali est une transsexuelle. Son vrai nom est Jean-Louis. C'est n'importe quoi. C'est nul. Voilà, c'est Facebook, ça, Facebook. Oui, revenons sur Tof qui a changé de sujet de manière très intelligente. Non, attends. Donc apparemment il aurait un Facebook. Je vais m'inscrire immédiatement. C'est quoi? Pas de Facebook. Non, mais c'est peut-être. L'adresse de qui? C'est un mec qui se fait passer pour Tof. Ah, t'es sur le Facebook de l'émission. Oui, de l'émission. Ah merde. C'est bien. Ah, on est déçus, hein. Bah non, mais c'est bien. Mais bon, on pensait que c'était le Facebook de Tof. Merde. Moi, je croyais que c'était Facebook aussi maintenant. Celui-là de l'émission. Je vous laisse de temps en temps des petits messages, et je ne dirai pas mon vrai prénom. Ah, bah oui, mais donne ton pseudo alors. Bah donne ton pseudo. Ah non, j'ai mis mon vrai prénom dessus. Bon, alors, Vanessa. Quel intérêt, on t'a demandé les photos? Vanessa, je te renvoie chez Micha, donne ton vrai nom, on ne le donnera pas à l'antenne juste pour qu'on voit quoi tu ressembles. Je lui ai donné, ça y est, je lui ai donné. Mais on voit que ma chatte. J'ai l'expérience que ça. Non, mais dis donc. Tu fais le téléphone rose, commence pas à faire la. Oui, c'est ça, fais pas la prude. Fais pas la prude avec nous. Facebook, c'est Facebook. Facebook. Les photos. Voilà, mais les photos porno, c'est sur un autre site. C'est sur Sexbook. On veut pas des photos porno, on veut juste voir ta tête, c'est tout. Voir à qui on parle. Tu vois bien la nôtre, nous. Hein? Bah oui. Tu vois bien notre tête, nous. Ah, bah, il me semblait aussi. Bon, Vanessa, reste là 2 secondes. Il y a Sandra qui est là aussi pour terminer. On va être en retard ce soir. Sandra qui est là, 26 ans de Metz. Allô, Sandra? Salut, Mickaël. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Bah, super, et vous? Bah, écoute, ça va bien, ouais, tranquille. Bon, on est avec des jeunes là qui sont sur le chat, chat roulette là qui veulent absolument que. Ils veulent absolument que Sandro monte, c'est ça. Oh, hey! Hey! Hey! C'est Polo qui a tapé, il fait oh putain, c'est un gay qui tape. C'est un mec gay qui tape. Non, elle veut la mignonne sur eux, ils veulent la mignonne au micro. Oh hey! Hey hey! Ils viennent d'où là? On leur a pas demandé, ils ont parlé. Where you come from? Where you come from? Where are you? Where you come from? What? Where you come from? Where are you? You guys speak a different language. Oh. Sandro, non, parce que t'es persuadé. Sandro, le micro qu'ils entendent, c'est pas ton micro de la radio, c'est le PC. Where you come from? Ah voilà. We're from New York. Ou pas prêter. Ou FDA. Do you have a door, a house for us? A what? A house? Yes! No, just a room. Just a room. What? Just a room. Je crois que mon accent passe très mal. Oh, with or without me? Avec ou sans moi, écoute. We want to come in New York. It's French. Voilà, on fait nos courses et tout ça, c'est cool. Bon ben, on salue New York qui nous écoute. C'était beau, enfin, qui nous a écouté. Très peu de temps, mais bon. Bon, Sandra, tu voulais parler de comme Vanessa d'ailleurs, qui est encore là, ainsi qu'Angélique. Donc du problème qu'on a eu sur le forum tout à l'heure, hein, qu'on a lu. Ouais, voilà, ouais. Alors. Bah, franchement, moi. Donc c'était la meuf qui voulait se faire un anulingus à son mec. Ouais, alors moi je pense pas du tout comme Vanessa, au contraire quoi, enfin je trouve ça dégueulasse quoi. Ouais. Ça, j'imagine pas le faire quoi du tout, enfin quand tu... Bah ça reste un cul quoi, tu sais très bien quoi ça sert, donc voilà quoi, tu vois. Franchement moi je pourrais pas. Non mais j'imagine, non mais c'est vrai, moi je pourrais pas non plus, hein. Techniquement c'est par là que sort... Oui, voilà. Merde quoi, donc c'est assez crade. Ah ouais, non, je pourrais pas, enfin je sais pas comment... Elle peut avoir envie de le faire quoi à la limite, parce que ah oui, non mais, chacun ses goûts. Oui, après c'est chacun ses goûts, c'est bien clair. Sûr, chacun ses goûts bien sûr, mais voilà quoi, moi je m'imagine pas le faire quoi. Non mais voilà, après c'est clair, c'est ton avis, c'est évident. Ouais, bah Sandra, Vanessa et Angélique, merci à vous les filles de passer. Merci à vous. Je vous fais à toutes des gros bisous. Une petite dédicace bien sûr. Vas-y. Ouais. Alors, je vous fais un gros bisou à Audrey, à ma petite sœur, à mon frère et puis à mon chéri Aurélien, voilà. Très bien, bel message et est passé. Et puis un bisou à Micha. Oh voilà. Avec la langue. Ouais, oh, dans bah le cul, hein. C'est impératif. Moi, Michael, est-ce que je peux te reprendre en antenne si c'est possible, c'est Vanessa. Qu'est-ce que tu veux, me veux, Vanessa? Je voudrais te parler si c'est possible en antenne. Si elle demande en antenne, c'est qu'elle ne veut pas le dire à l'antenne. Oui. Non. Très bien. Déjà, est-ce que vous avez vu ma photo ou pas? Tu es magnifique. Non, on a les photos. Ah, tu l'as vu, je n'ai pas vu la photo, Vanessa. Tout le monde vient là, c'est. Bon, ben je te reprends dans un instant, Vanessa. Ok, merci. Bonne nuit les filles, à bientôt, ciao. Bon, question pour une réponse, du coup on le fera demain, hein, parce qu'on est à la bourre, mais c'est pas grave. Ouais, Il est l'heure de passer au Pio à l'eau show en direct de la chatroulette. Hi, wir sind Aloha from Hell. L'Allemagne. Once again. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à vous rendre sur la chat roulette afin de manifester votre engouement et votre passion pour le POLO Show. On écoute juste un peu de pub et on attend que le standard se remplisse. Je sais que vous êtes nombreux et on arrive. Voilà, on va faire une nouveau Ginette Mac 12 électrique avec ses 12 lames renforcées pour un rasage presque nickel. Mais ce sont les femmes qui en disent le plus grand bien. Ah oui, moi je suis très contente de mon Ginette Mac 12 parce que avant je n'arrivais pas à tout rager avec mes 5 lames et maintenant je vois la vie en toche. En roche, pardon. Et ce n'est pas tout. Maintenant, vous pouvez raser dans les moindres recoins de votre anatomie grâce à sa position manuelle. Oui, c'est vrai. Pour s'occuper de ma foufoune, c'est mieux que chez Manuel. Hein. Et si vous n'avez plus de batterie, vous pourrez brancher votre nouveau Ginette Mac 12 sur la prise murale. Ça, c'est bien. À la maison, on n'a pas beaucoup de prises, mais on a beaucoup de murs. Nouveau Ginette Mac 12 électrique, le rasoir pour femmes. Merci. Salut, c'est Ali. Et ouais, ça te déchire. Allez, on est dans le Polo Show. On commence celui avec je ne sais qui est là. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Cyril. Salut Cyril, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est pour faire un peu de beatbox. De quoi? En fait, du beatbox. Ah, du beatbox, regarde-moi si je suis en faire. Tu m'entends? Je commence et tu suis, ok? Ok. À toi Cyril, on y va. C'est pas mal. Bon, Cyril, oui. Il va falloir travailler un peu. Bah, tu vas travailler tes gammes et tu reviens demain ou après-demain, d'accord? C'est bon. D'accord. Ok, salut. Qui est là? Elisabeth. Salut Elisabeth. Eh oui, ça y est, je travaille dans son monde interne. Bon, alors tu vas maintenant, allez, t'es grand. Viens les enfants, s'il vous plaît. Attends. Vas-y, c'est pas pour toi, Elisabeth, hein, c'est juste qu'il y a... À la ferme, célébrités, Michael et les fermiers, on dit même qu'ils se dépêchent, Michael, lui, qui provoque... Pas mal, pas pour mal. Aller prendre en finale, oh oui, gagner la ferme. Bravo! Bravo, Elisabeth, bravo! Elisabeth, tu es couronnée chanteuse officielle du Polo Show. Et oui. Apprends de te bénir, mon enfant. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Bah, bien sûr. Ferme les yeux. Oui. Voilà, tu es bénie selon les rites spécifiques du Polo Show. On y va, Elisabeth, merci. Nous. Encore? Elle me dit merci. Allez, t'en veux encore? Allez, hop là. Non, Michael et les fermiers ne pensent qu'à s'engueuler. Et la vie qui les bouleverse à tout jamais les déchaîne. C'est parfait. Je te remercie, Elisabeth. Bravo! Bravo, Elisabeth. C'était mieux qu'hier. C'était génial. C'est dans mon iPod. Et oui, j'ai bossé dur. Allez, Elisabeth, je t'embrasse, au plaisir. Ah oui, à demain. Ciao. Et est-ce qu'on peut avoir le jingle de fin, s'il vous plaît? Gaffe, patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce polo show comme il se doit, et oui, il le faut, il faut quelqu'un pour finir comme une parenthèse, comme un point. Il faut quelqu'un. Il est là. Allô? Allô? Monsieur A, comment va? Polo. Oui, monsieur A. Polo. Oui, monsieur A. On a sonné à la porte ce soir. Ah. Et alors? Bah, j'ai pas ouvert. Bah, comme d'habitude, hein. Bah ouais. Je t'écoute. Polo. Ouais. Et bah, je suis avec Chiffon là. Et qu'est-ce qu'il fait, Chiffon? Eh ben rien. Il écoute de la musique. Mais et ben ça, c'est un chien moderne. Est-ce qu'il va sur le chat roulette? Oh putain, mais c'est du dépassé ça. C'est fini ça, chat roulette. Ah bon, voilà. C'est quoi qui est la mode là? Bah, puisque monsieur est le roi de la mode. C'est Dalida qui est à la mode là en ce moment, non? Ouais, je t'écoute. Jack. Je t'écoute, monsieur. Qu'est-ce qu'il a? Polo. Ouais. Il est là, Ikaël? Non, il est pas là, Ikaël. Je lui envoie des WhatsApp et répond. Voilà, envoie-lui des WhatsApp et on se retrouve demain, d'accord? Polo, tu peux me rayer mon numéro de téléphone. J'ai honte de ta pousse. Oh, ouais, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Monsieur, calmez-vous. Non, il y en a marre maintenant, Polo. On n'est pas. Il y en a marre. On peut pas t'oublier, on a vu une vidéo de toi sur YouTube. Ouais, c'est. Eh ben, où je peux dire, espèce de petit merdeux. La fontaine de jouvence. C'est moi qui t'ai donné envie de faire cette radio. Alors, pas de faire foutre, t'avais tout de faire foutre. T'étais bon. Vous méritez qu'une seule monsieur chose. Hey, monsieur, au moins, lui, t'osais pas, hein. Monsieur, t'es pas Dalida. À la face, espèce de grosse vache. Hey. Monsieur, venez d'avoir 18 ans. Monsieur, 17 ans. Monsieur, arrêtez, laissez l'autre. Hey, oh, oh. Voilà, c'est moi le police. Tu sais quoi, Polo? Quoi? Je vais te dire. Monsieur, non, il y a pas de jeune homme. Attends, ce jeune homme. Il y a pas de monsieur. Qui avait là venir devant lui. Cette espèce de roue là. Avec ses boutons d'acné, ben c'est beau. Eh ben non, je vais te dire. Moi j'ai rêvé quand je l'ai vu. Eh ben ouais, ben à l'époque t'étais maigre. Eh ben écoute-moi, Polo. Je vais te dire, t'étais à la poste. Eh ben non, ouais, non. Eh ben ouais. J'étais au collège à cette époque-là. Eh ben t'étais au collège. Ah non, je dis n'importe quoi, j'étais au lycée. T'as fait classe 5e, Polo. Et t'es ouais, là, oh, directement. Ouais, tu vas te calmer, t'es devant tes potes. Non, pas de là. Et moi, je vais te dire, tu dis à Roux, tu dis à Monsieur Roux. Tu dis bien ça de ma part, d'accord? Vas-y, je t'écoute. T'as le droit de réponse, t'as un droit de réponse. Quoi, Polo? T'as un droit de réponse. Un droit de réponse à quoi? Quand j'entends des petits branleurs comme Monsieur Roux dire ça? C'est une honte. Sans cette personne, il serait pas là à parler. On dirait Geneviève de Fontenay qui nous tape un scandale. Ah bah oui, bah c'est ça, une honte. On n'a pas vu les photos de cul de toi à poil. Calme-toi. Eh bah tu sais quoi, Monsieur Roux? Sans cette personne que vous avez critiquée, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Non, c'est pas la même. Elle avait 20 ans de plus, celle que j'ai connue. Non, monsieur. Elle avait changé de teinture de cheveux. Oui. Elle avait coupé. Il y a 20 ans, elle était blonde. On va recentrer le débat. On n'est pas là pour faire. On n'est pas là pour faire le jugement de ce monsieur. C'est vrai. Pardon. Hein? Bon, il était petit et pas beau. Attendez, monsieur. Allez-y, monsieur Roux. Allez-y. Eh ben, je voulais dire que quand il a chambré, il venait d'avoir 18 ans. Ouais. Eh ben, sans cette personne, Monsieur Roux ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, saisissez-vous, Monsieur Roux. J'ai acheté un Kinder allez. Je vais t'offrir le cadeau qu'il y a dedans. Allez, on va y aller, les gars, on va s'arrêter. Tu sais quoi? Ton vidéo du village. Tu ferais moi le malin dans le calendrier du stade français. C'est bon, c'est bon, vous avez donné votre avis. Ça suffit, le débat est clos. Monsieur, au revoir. Je peux vous dire un truc pour le jour. Vous pouvez dire à la garde des boutons qui est à votre gauche ou à votre droite. Bien à votre gauche, si j'ai besoin. Eh ben, j'ai Radio Santane. Eh ben non, taisez-vous, monsieur Roux. Et puis vous dites à Sadra. Calmez-vous. Monsieur, c'est un débat. Monsieur, Non, monsieur, vous n'avez pas à dire des choses pareilles sur un média. De dire quoi, monsieur Polo? Ça suffit. De dire quoi? À sa droite se taire. Ouais, d'insulter les gens comme ça, vous allez vous calmer. J'ai viré monsieur Roux, il a été viré. Mais c'est pas qu'il doit être viré, c'est que monsieur Roux doit ne plus remettre les pieds dans cette émission. D'accord. Merci monsieur. Et vous dites à Jack Jack que je te remercie pour son texto. D'accord, merci monsieur. Au revoir. Polo. Ouais. Il est là, Ikaël? Il n'est pas là. Ikaël. Eh ben toi aussi, ta gueule, Jack-Jack. Tu crois que je t'ai pas bu de faire ça? Ouais, ben, non, ouais, ben joue au con, c'est pas non, faire ça. C'est pas ça, et c'est vous où? Vous dites au pervers, vous dites au pervers. Ouais. Hein? Au lieu de passer son temps sur Confidif, qu'il arrête ses conneries de parler comme ça. Ok, au revoir monsieur, et c'est chef Le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté, et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux tous les soirs, je suis dernier, et ça c'est beau. Et qu'est-ce qu'on est en retard? Et c'est une émission débat, voilà. Qu'est-ce qu'on est en retard? Voilà. Bon allez, on se quitte, on revient demain 21h, on se quitte avec Lollipop, Framing and Lay.